font plus la fraîchette. Mais maintenant, il y a des pâtissiers aussi, tout ça, alors, hein. Les gens, leur fraîchera dedans. Je mets le magnétophone, hein, comme oui. Ça ira. Alors, qu'est-ce qu'on commence par la tourte? Ben, le salé, alors. Par la tourte de courge. Tourte de courge, d'accord. Bon, alors, je vous dis, je commence par la farine, alors. Oui, un petit peu ce que, bon, alors, ce que vous mettez pour faire la pâte, et ensuite, ce que vous mettez dans la... Combien je mets de farine. Voilà. Bon, alors, je mets, mettons, pour faire une grosse plaque, un kilo, moi, je dis, grosso modo, un kilo, ça fait de farine, il m'en reste, 1,5 kg de farine. Grosso modo, hein, moi je dis, hein. Parce que des fois il m'en reste un peu, j'en fais une petite. Oui. Après, alors là-dedans, je mets de l'huile, un petit peu d'huile. Pour faire de l'huile d'olive, vous mettez? Non, de l'huile d'arachide ou de l'huile d'olive. Ce que vous avez sous la main, hein. Soit d'huile d'arachide, soit de l'huile d'olive. Et un peu de sel. Et puis alors je pétris ça avec de l'eau froide. Une pâte qui soit ni trop molle, ni trop dure, hein. Oui. Mais ça, je la pétris au moins 2 heures à l'avance. Hein. Je pétris bien, je fais 2 boules, je vais trop vite ou non? Non, allez-y, parce que de toute façon, ça enregistre. Oui. Là, je prends des notes pour moi. Oui, je fais 2 boules, et puis, vous savez que moi, je suis très maniaque, je fais 2 boules, quand j'ai bien pétri, je coupe comme ça, parce que j'ai une raclette exprès, je vous la ferai voir après. Je coupe comme ça, je le fais, je mets mes 2 boules, et puis je mets sous un saladier. Ouais. Que ma pâte elle revienne, la chaleur qui met un torchon. Mais moi je trouve que saladier c'est mieux parce que, vous savez, c'est comme si voilà, si je renversais ça, mes 2 boules sont là. Mm-hmm. Voilà. Alors en même temps, je prépare ma farce. Alors, d'accord. Notre farce. D'accord. Moi je la fais à ma mode à moi, et la farce. Pourquoi? Les autres personnes font pas comme ça ou... Après, maintenant comme je suis enregistrée, je vous dirai après. D'accord. Alors la courge, je ne suis pas là, de la courge, j'en mets 2,5 kg. Une plaque. Ah oui, tant que ça. Et oui, parce qu'il faut enlever la peau, il faut enlever les graines. Et c'est quelle courge que vous prenez pour faire? Ah ben n'importe quelle courge, sauf les potirons. Oui. Ça, vous prenez vous la courge longue là de Nice ou la prenez? Non, c'est pas bon, c'est bon plutôt pour la soupe. Ça. Ouais. Voilà. Là qu'ils aiment, mais c'est plus sucré. Ah ouais. Pour faire mieux les courges, soit les petites courges comme ça, pas les violines. Les courgettes vert foncé. Vert foncé, ou soit les courges qu'on fait ici, on voit qu'on en a comme ça. Oui. C'est comme avec Madame Ricci là, qu'on coupe des morceaux, puis qu'on fait. Alors ça, vous le coupez à petits dés, vous coupez à morceaux, puis vous coupez des petits dés, je ne sais pas comment vous dire, hein. Des petits cubes comme. Je ne sais pas quelle grosseur, comme ça. Oui, comme un angle. Oui, comme un petit, très peu. Très fin, hein. Et puis alors là, moi, je fais bouillir du riz dans du lait. Ah oui. Alors, je mets un verre de riz et je fais gonfler dans du lait. Le lait, moi, je ne sais pas. Moi, je fais au pif. Et puis alors là, je mets aussi mon conseil, ça, c'est encore une chose d'estomac. Je remets une petite poignée de bled. Ah oui. Coupée très, très fine. Cru. Ah, cru. Ah oui, tout cru. Un oignon. Un oignon, et puis après alors bien du fromage. Le fromage vous mettez quoi? Ah, moi je mets du brins. Vous pouvez mettre tout de même du rouge, hein, si vous aimez le rouge. Mm-hmm. Si j'ai pas du brins, je mets du rouge. Je suis à la campagne. Et puis alors je mets, si la plaque elle est grosse, je mets 3 œufs. Vous mettez des œufs dedans? Ah oui. Mm-hmm. Je vous ai dit l'oignon aussi? L'oignon oui. Les œufs, l'oignon, le sel et le poivre. Et de l'huile, soit de l'huile d'arachide, soit de l'huile d'olive. Ouais. Si c'est l'huile d'olive, c'est meilleur, hein. Ouais. Vous préférez, vous, l'huile d'olive? Ah, sûr, c'est meilleur, c'est plus nourrissant. Mm. Mais ça, je le fais à la dernière minute pour pas que l'eau, qu'il y ait de l'eau. Ah oui. Voilà, vous voyez. Mm-hmm. Alors après, vous, voilà, là, je vous ai tout dit, alors répétez-moi un peu, s'il vous plaît. La courge, le riz dans... Je prends mes lunettes, parce que je vois pas. Je l'ai oublié. Non, j'ai rien oublié. La courge, le riz dans du lait, la poignée de blette, l'oignon, fromage, les œufs, sel, poivre et huile. Voilà, d'accord. C'est ça. Bon. Alors voilà, je prends mon. Je fais en 2 morceaux, vous savez. Oui. Parce qu'il faut dans la plaque, il faut faire avec le rouleau. Je prends le rouleau. Je prends mon premier, ma première boule et je la fais très fine, je l'étale très fine. Je mets un peu de farine sur ma plage et puis je l'étale très très fine. Si elle est longue, vous êtes obligé de faire comme ça et puis la tourner et la refaire comme ça. Il faudrait qu'un jour vous venez quand je la fais. Ah ben oui, moi je veux bien. Comme ça, ça vous apprend mieux pour la faire. Oui, oui, ça une fois que vous, ça vous intéresse mieux. Alors, je la prépare bien fine. Alors, soit, il y en a ceux-là qui aiment mettre de la polenta dessous. Moi, la polenta, ça me fait de la polenta, pour pas que ça, ça colle. Parce que quand j'ai la cabane, je n'ai rien d'autre, oui. Ou on peut mettre du la chapelure. Ou alors, moi, j'ai l'huile même. J'aime bien huiler ma plaque. Et puis alors, je fais ma première boule qui est très, très fine. Là, la chose est très, très, très fine. Alors, voilà, je mets ça. Et puis alors, je comme ça. Ça, je le mélange, parce qu'il faut tout bien mélanger, tout ça. Hein. Oui, oui, oui. Il faut tout bien mélanger, puis vous goûtez hein, quand même. S'il manque un peu de sel ou s'il manque pas de poivre, là, je ne peux pas vous dire combien je mets de sel, combien je mets de poivre. Vous mélangez, s'il manque quelque chose, alors là, vous prenez. Ah, le fromage, on n'a pas compté. Si, le sbrinz. Le sbrinz, ça va. Je mélange le tout, et puis alors, je l'étale à cette hauteur. Ah, épaisse comme ça. Ah, comme ça, par purée. Comme ça, pas haut, mais enfin, pas haut comme ça, quand même, parce que ce serait trop haut. Voilà. Et puis alors, je reprends ma deuxième boule, je l'étale, je la fais faire de nouveau très fine, avec mon rouleau, très très très très fine, je la mets, et puis alors je fais tout comme ça, tout autour, et puis alors je prends une fourchette, je la pince, avec une fourchette, et de temps en temps, je l'ouvre un peu la pâte. Ah oui. Pour pas qu'elle gonfle, parce que si vous la mettez carrément dans le four, que vous la pincez pas ou que n'importe, votre pâte elle va faire comme ça, elle va faire comme jour à la crème, vous voyez? Oui, d'accord. Ce que je vais vous dire. Tandis que là, elle reste plate et vous mettez de l'huile dessus. De l'huile. Si c'est de l'huile d'olive, c'est meilleur. Maintenant, c'est vous avez de l'huile d'arachide, vous l'arrosez bien d'huile d'olive et vous la mettez au four. Et la cuisson, moi là, je le mets à 240. Four de, mais moi c'est le four à électrique, hein? Oui. Je vous fais voir comment ça reste ma pâte. Aujourd'hui j'ai fait la. C'est pour vous après je vous attends de deux. Vous voyez comment reste ma pâte? C'est la même pâte. Ah oui, c'est beau. Ah oui. Je vous en donnerai deux. Aujourd'hui j'en ai fait trois. En fait, si on dit que j'étais forte, je peux continuer à faire un marché, je ne peux pas démontrer. C'est vrai parce que pour l'année prochaine, je continue à faire manger. C'est un plaisir, non, de faire manger. J'ai dit, un jour que je meurs, tu verras que je mais ça lui manquera. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Alors attendez, là, vous le laissez combien de temps au four? Vous savez pas? Oh, je sais pas, ça dépend du four, là. Une demi-heure, là, elle est cuite. Moi, je la tourne, hein. Ah, vous la tournez? Eh bien, je la tourne parce que là, je crois que mon mari, celui qui a fait la maison, qui a fait le carrelage, d'un côté, elle cuit plus vite que de l'autre. Même, des fois, je vois même ma main dans le four aussi, je la trouve un peu. Vous voyez, vous savez. Et quand vous la faites à la campagne, vous la cuisez dans quoi? Vous avez aussi un four? Ah, j'ai le four à bois. À bois? Ah oui, il faudrait que vous montiez savoir ça. Ah oui, ça me. Ça vous plaît? Vous avez une voiture? Oui. Ah oui, ça c'est. Il faut que vous montiez. On va commencer à monter maintenant, mais dès que c'est arrangé, je vous invite toujours. Ah oui. Anne, elle est. Demandez-lui Anne. Oui. Demandez-lui Anne, puis vous allez voir. Vous avez la campagne là-haut aussi? Oui, juste en face de chez Anne. L'année dernière, Anne, je vais vous dire une chose, excusez-moi, je vous ai fait drôle maintenant. Je ne sais pas ce que j'avais fait ce jour-là, j'avais fait quelque chose de bon, puis on était tous les deux. Et j'ai dit, oh, pour petit, ils sont en train de travailler là-bas, j'ai dit, ils vont bien que je les appelle. Et je faisais où? Alors ma belle-sœur qui m'a répondu, j'avais fait la tourte ce jour-là, la tourte un poulet puis quelque chose d'autre dans le four. Et ma belle-sœur qui m'a répondu, non, j'ai des amis, je ne peux pas descendre, nous avons tout ce qu'il faut. Mais moi, ce n'était pas elle, j'appelais Anne en bas. Alors force de faire, Anne, elle ne comprenait plus rien. Alors je faisais, Anne, c'est vous, venez. Alors je me suis pris un grand torchon blanc. Elle a compris. Alors elle est venue et en même temps elle est venue me faire cuire ses bocaux parce qu'elle avait de lessiveuse. Moi j'avais des chiffons. Elle a été jetée, elle m'a porté le bois et en même temps, vous voyez, elle a travaillé tout en mangeant. C'est bien. Eh oui. C'est bien. Bon, alors qu'est-ce qu'on commence là? Alors. Après là, j'ai une autre sorte de tourte. Vous pouvez faire la tourte à la pomme de terre. Alors pour la farine, tout ça. C'est pareil. Pareil. Pour le fromage, c'est pareil. Il n'y a que les œufs. Alors comment on va faire? Marquer la farine à peine. Oui. Bah, c'est, la pâte, c'est la même. La pâte, c'est la même. La même pâte. Mm-hmm. Marquez la même pâte, voilà. Ça vous, voilà, la même pâte. Après, vous faites bouillir des pommes de terre. Mm-hmm. Moi, je les ai plus parce que je n'ai pas faim mieux. Vous les tournez au moulin à légumes. Mm-hmm. On détecte. Je vais trop vite. Non, non, allez-y. Et puis, alors, je prends 3 ou 4 poireaux. En même temps que ça, ça cuit. Hein. Je prends 3 ou 4 poireaux et je les fais frire. Et quand ils sont frits, ouais. je prends mes pommes de terre, je tourne à la moulinette. Je mets mes poireaux dedans. Comme si c'était une purée. Ouais, ouais. Je mets une grosse poignée de fromage. Mettez du lait. Attendez, ah. Une boîte de lait Gloria. Ah. Une grosse boîte. Ah oui. Et s'il n'y en a pas assez, je reste ma boîte de lait Gloria avec un peu de l'eau tiède, mais pas chaude, ou même chaude, ça fait rien là. Et je mélange, après là je mets sel et poivre, fromage, vous l'avez marqué aussi. Oui, le fromage c'est toujours du brie. Ah c'est toujours, même du rouge, même du rouge c'est bon quand même. Hein. Le rouge, moi je vous dis du brie, j'ai habitué, j'en prends toujours 3 ou 4 kilos, mais le rouge c'est pareil. Hein. Moi des fois je vais en ville, j'en prends des grosses boules rouges, et on mélange avec mon mari. J'ai toujours une boule là où la maglia et du brins, alors on met moitié-moitié, comme ça c'est dur. Et vous mélangez bien ça. Alors là, c'est le poivre. Là, vous goûtez de nouveau. Si ça va, vous n'avez pas manqué le fromage, ni rien. Si, je l'ai marqué là. Sel, fer, fromage, sel et tout. Hein. Pas des œufs, là. Pas d'œufs. Pas d'œufs, hein. Là, pas d'œufs. Hein. Vous mélangez, que ce soit onctueux, il faut que ce soit une purée, mais pas une purée qui soit dure, une purée qui soit un peu molle, vous voyez. Oui. Et puis alors, vous faites votre feuille de pâte de nouveau pareil, et vous l'étalez, et puis vous la recouvrez. Alors là, vous la pincez, comme ça, parce que ça se passe, comme là, il y a la purée dedans, ça se pince plus vite que la courge. La courge, vous n'arrivez pas à pincer, parce qu'il y a le morceau qui... Et les petits bouts. Mais là, vous la pincez bien. Si vous voulez, même pour fantaisie, moi je fais toujours avec la fourchette, je fais comme ça. Hein? Et ça, vous mettez de l'huile dessus et vous la mettez au four. Pareil. Et c'est à peu près le même temps de cuisson. Le même temps de cuisson. D'accord. Après, c'est pour les épinards, c'est pareil aussi. Tourte aux épinards. Tourte aux épinards, c'est exactement la même chose. Vous mettez des œufs dans la tourte aux épinards? Alors, moi, aujourd'hui, les épinards, je sais pas. Et là, je mets des œufs. Là, je coupe. Et les épinards, vous les mettez crus? Les épinards, je les coupe très fins et je les mets crus. Vous avez mis la même quantité de farine? Oui, ça, je mets. Je les coupe crus, puis moi, je me suis fait à ma manière. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai fait revenir 2 gros oignons pour que ça donne un peu du goût. Hein, parce que c'est meilleur que cru, l'oignon. C'est dans les épinards, c'est déjà cru. Alors, si vous mélangez pas quelque chose de cuit. Hein. Et puis après, alors, vous mettez du fromage, et des œufs. Et puis alors, j'ai mis un gros verre de riz. Cuit avec du lait Gloria aussi dedans. Vous pouvez mettre, non si vous voulez, vous pouvez mettre des gervais aussi, c'est très bon. Ah oui. Ou de la crème fraîche, si vous voulez. Au lieu de mettre... Du fromage? Non, pas du fromage, le fromage il faut le mettre. Mais si vous voulez pas mettre du... L'oignon? Non, qu'est-ce que c'est déjà plus que je vous ai dit là? Des œufs, du verre de riz cuit dans du lait? Oui, mais si vous voulez que vous avez passé, vous pouvez mettre même de la crème fraîche. Ah voilà. Si vous ne voulez pas mettre le riz, avec le lait, vous mettez un gros machin de crème fraîche. D'accord. Et c'est le poivre et des œufs. 3 œufs, et puis voilà. Oui. C'est tout. Et 3 œufs. D'accord. Et là, vous ne mettez pas de l'huile, parce que comme l'oignon, il y a déjà de l'huile dedans. Oui. Vous savez, vous faites revenir votre oignon dans l'huile. Oui, donc pas d'huile. Alors, pas d'huile. Je m'explique bien ou non? Oui, je comprends. Ça va? Oui. Vous comprenez? Voilà. Et la tourte aux blettes, c'est exactement pareil. Vous n'avez même pas besoin de la marquer. C'est pareil qu'épinards. C'est pareil que les épinards. Vous faites la même pâte, toujours. Puis là, il faut en goûter, je ne peux pas vous le dire. Hein. Ouais. Il faut que vous le mélangez, puis vous goûtez. Là, hein. Et est-ce que vous faites parfois de la tourte avec de l'ortie dedans ou de la bourrache? Non. Vous ne faites pas? Non. Je n'ai jamais essayé. Vous n'avez jamais essayé? Non. Vous avez essayé, vous? Non, mais je me suis demandé parce qu'il y a plusieurs personnes qui font. Oui, des fois, nous, on en a des orties en haut. On n'a jamais essayé parce que. Pas. Comme l'ortie, des fois, moi j'en touche et qu'après que je touche l'eau, ça me pique tellement. Ah oui. Alors. Vous les utilisez même non. Ni dans la soupe ni j'avais dans le copain de. Non. Le copain de. Je ne sais pas si vous l'avez connu, Guy. C'est le mec de Mercantour, là. Ah oui, oui, oui, oui. Lui, il m'avait porté des épinards, j'avais fait avec des épinards de la montagne. Ah, voilà. Puis j'avais fait des bonnes omelettes, ça oui, c'était bon. Ah oui. Mais les autres, je ne connais pas. Mais ça, les épinards qu'il vous avait amenés, vous connaissiez ou c'est lui qui les a fait connaître? C'est lui qui me les a fait connaître, il a attendu que les vaches soient parties et il paraît que ça vient dans du gras. Oui, ah oui. Là où à la vacherie, là où vers le tuyau. Mm-hmm. Lui, les connaissait, moi, je n'aurais pas connu. Hein. Ah, oui. Parce que je ne prends pas n'importe quoi, quand vous ne savez pas, vous ne pouvez pas prendre une herbe, puis que... parce qu'il y a des herbes qui sont mauvaises. Hein. Mm-hmm. Lui, les connaissait. Oui. J'ai dit, on m'a dit, oui, je les ai triés, Nanette. N'ayez pas crainte, il me les a portés tout cuits. Puis même, il m'avait fait deux omelettes qu'il me les avait portées lui-même. Ah, oui. Et c'était très, très, très bon. Il paraît, oui, que c'est bon. Je n'ai jamais mangé, mais il y a des personnes qui m'ont dit. Oui, mais bon. Je ne connais pas. Peut-être Anne, elle les connaît. Moi, je ne... Mon mari, il avait entendu dire ça, mais moi, je n'avais jamais vu. Parce que c'est si bon, mais il faut attendre que les vaches soient parties. Et oui, c'est ça. Bon, là, alors, attends. Bon, là, c'est les tourtes, alors. Là, c'est les trois tourtes. Tourtes de courge, tourtes de pommes de terre. Et tourtes de blé, marquées. Voilà, c'est marqué, oui. C'est exactement pareil que la tourte de... Dans les tourtes, on ne fait pas d'autres tourtes. Eh bien, oui, vous pouvez faire la tourte à tomate. À tomate, ah oui. Alors, vous épluchez votre tomate, oui, il faut vous y enlever la peau. Et puis, vous la coupez très fine. Très, très, très, très fine. Et vous coupez tous des petits morceaux et puis vous la mettez dans la passoire. Ouais. Parce que ça, la tomate a tendance à faire du jus. Alors, moi, je fais ça dans l'évier pour que le jus s'en aille. Et même après, je tourne avec une spatule pour que le jus il s'en aille. Après, alors là, je mets trois œufs. Je mets bien du fromage. Et je mets bien de l'ail et du persil coupé très fin, haché avec ma moulinette très fine. Et un peu d'huile dedans, comme ça. Et bien de fromage. Et puis alors vous faites exactement pareil comme... Pour la pâte, c'est la même pâte, toujours la même pâte. La pâte, c'est toujours pareil. Toujours qu'elle soit trop molle, ni trop... Mais il faudra que je vous invite un jour, je la fais, il faut que vous voyez, le faire. Oui, oui, oui. Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si je vois faire quelque chose, je sais le faire après. Ben oui, c'est ça, mais quand on dit comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop idée de comment ça se fait. Oui, voilà. Alors, si vous voulez, maintenant, on peut commencer par les boursous, tout. Oui, alors là, c'est fini, c'est tout. La tourte à la tomate, après, on la met dans la pâte et tout ça. C'est voilà. Tout pareil. Hein. Oui, c'est pareil. D'accord. Et les boursouzes, là, que vous m'avez montré. Eh bien, les boursouzes, c'est fait... J'ai fait exactement comme si j'avais fait la tourte de blette, seulement je les ai fait frire. J'ai fait des petits ronds comme ça, vous savez. Oui. J'ai pris ma farce, et puis alors j'ai fait des petits ronds. J'en mets haut comme ça, vous avez vu. Oui. Des petits ronds, là, comme ça. Et puis je coupe avec le... Comment vous appelez? Avec la roulette, et je les fais frire. Ah voilà. C'est exactement pareil. Mais c'est une tourte de blette frite alors? Ah non, c'est des boursouzes. Ah oui. Non mais enfin, c'est comme la tourte de blette. Ah c'est oui, la blette qu'il y a dedans. C'est de la blette où vous pouvez faire aux épinards. Ah oui. Vous pouvez même la faire avec des tomates aussi. Ah oui, tout pareil. Exactement pareil. Mais c'est frit. C'est frit. Ah oui. C'est drôle, hein. Ah oui. C'est plus le même goût, c'est frit. Oui, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Mmh. C'est plus croustillant que... Que la tourte. Que la tourte de blette. Que... Moi, je sais que quand j'avais roulé au tournant, là, chez mon fils, là, au tournant, hein, oui. Eh bien, j'en donnais, là, au lieu de faire des comme je faisais aujourd'hui, je les faisais plus petites comme ça, puis j'en ai donné trois. Ah, deux, trois, pour ordre. Les gens, ils appréciaient parce que c'était pas... Parce que vous en donnez qu'une, ça fait moche. Oui, oui, oui. Les gens, c'est pas présentable, hein. Oui, oui. Tandis que si c'est comme ça, c'est plus mignon. Et ça présente mieux sur une assiette, ça fait trois, une, deux, trois, ça présente mieux, vous voyez. C'est bon, parce que ça, c'est vraiment d'ici, ça. Oui, oui, pas... vous avez froid? Non, non, pas du tout. Je ne sais pas combien il a mis mon mari, le chauffage. Non, non, ça va. Non. Bon, les boursottes, vous voulez? Oui, alors ça, c'est... Les boursottes, c'est la même pâte, et de nouveau. Toujours la même pâte. Toujours la même pâte. Ah, ben c'est bien. Vous la faites ni trop molle ni trop dure, hein, bon surtout. Alors là, écoutez-moi, là, je le sais. Le riz, il ne faut pas prendre l'oncle Blaise, il faut prendre le riz ordinaire. Oui. Je ne m'en souviens plus comment il s'appelle, si le paquet est transparent. Oui, en plastique, Oui, en plastique, il est jaune chez René Roche, je ne m'en souviens jamais du paquet. Ça ne fait rien. C'est... Pourquoi l'autre ne marche pas ou... Eh non, oh, non, l'autre bête ne marche pas parce que il ne colle pas avec l'autre bête. Ah oui. Voilà, c'est bien. Voilà, il faut du riz qui colle, le riz le plus ordinaire qui colle. Ah oui, d'accord. Du riz rond, quoi. Parce que si vous avez l'oncle bête, vous allez éparpiller de partout. Il faut qu'il colle. Ah, oui. Alors moi, je mets, mettons, là, je ne sais pas combien je mettrais de... Moi, d'habitude, je mettrais là, ça serait alors pour 2 kg de farine, au moins. Si je fais 1 kg de riz, ça fait avec la moitié du riz, alors. Mettons qu'on va faire pour la moitié du riz, on va couper les parts en 2 parts. On va marquer qu'un kilo de farine. C'est la même pâte, mais un kilo de farine. Hein. Et puis alors un demi-kilo de riz que vous faites bouillir à part. Bouillir dans l'eau cette fois. Ah oui, de l'eau avec de l'eau salée. Hein. Puis vous les goûtez bien. Puis là alors moi je prends. Des épinards en boîte, quand j'en ai pas, des épinards frais, parce que des fois ils sont très chers. Mm-hmm. Épinards. Vous savez, c'est des épinards congelés là. Congelés, oui, d'accord. Alors je les prends et je les décongèle et je les presse très très très fort et puis je les hache très très très fin. Mm-hmm. Et je les balance dans le riz. Le riz, il est bien égoutté. Oui. Et puis après, je prends 5-6 poireaux ou 7, ça dépend la grosseur des poireaux. S'ils sont gros comme ça, 4 il y en a assez. S'ils sont petits, il faut en prendre davantage. Mm-hmm. Je les coupe très très fin et je prends 300 g d'anchois ou 350 g parce qu'il y a du déchet. Parce que là, d'habitude, moi j'en prends 700 g et j'ai beaucoup de déchets. Ça dépend comment sont les anchois. Moi, là, j'en ai fait faire la Nice par ma belle-fille. C'est des belles anchois comme ça, j'ai pas beaucoup de déchets. Mais si c'est dans... il faut que je vais prendre les anchois dans les petits vernes ou, les... ou dans le papa. Papa, comment on l'appelait déjà plus? Dans ces boîtes qu'on faisait avant, vous savez. On en fait encore maintenant. Papa, comment ça s'appelait déjà plus? Papa, non, j'ai un peu. Il faut jamais les prendre parce que maintenant, il n'y a plus que, je ne sais pas, il y a ce monde déjà, vous savez. Il n'y a que l'arête et il n'y a plus rien. Ah ouais. Il faut prendre, comme elle a chez René en bas. René, elle a dedans, si vous voyez, sur sa table, elle a toujours. Elle a un grand bocal et elle saute au détail. Alors là, vous avez. Votre l'anchois entière, vous enlevez que l'arête, et quand le poireau il est frit, vous prenez, il ne faut pas laver l'anchois. Hein. Il ne faut pas le laver. Jamais la laver, vous enlevez l'arête, qui n'est pas d'arête, vous ne l'enlevez pas, vous prenez, dès qu'elle est longue comme ça, vous la balancez dans le poireau, mais vous le mettez à petit feu, et vous tournez comme ça avec la fourchette, il fond. Ah oui. Ça fond. Je vais trop vite, non? Non, ça va. Bon, et vous balancez dans le riz. Et vous mettez du fromage, mais assez de fromage, hein, là. Là, j'en ai fait une fois, j'en ai fait pour 150 personnes. Oh. J'en ai fait 2 cartons comme ça. Vous avez passé combien de temps à faire ça? Mais il y avait mon mari, et j'ai pris une dame. Je me suis gagné une bonne journée, mais le soir à 7h, j'étais couchée, je ne pouvais plus. J'avais le dos, je faisais comme ça, je sentais plus. C'est de les faire. Du matin. Non, c'est mon mari qui a fait frire. Ah oui. À mon mari, dès qu'on a commencé avec la bonne femme, de 9h, il a commencé toute l'après-midi. Hein. Là, parce que c'était pour un grand mariage. Ah, oui. Ils ont mangé toute la semaine, elle a donné à des paquets à tout le monde. J'en ai fait un gros tas. Là, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait 4 kilos de riz, mais oui, mais il faut le faire, ça. Ben oui. Bon, là, qu'est-ce que j'ai dit alors hein? On met tout dans le riz, ensuite on met beaucoup de fromage. Ah oui, assez de fromage. Et c'est les poivres aussi, je ne voulais pas dire. Oui, non. Là, vous savez comme vous voulez, parce qu'il y a ceux-là qui n'aiment pas le poivre. Ça, je ne peux pas vous le dire. Alors, j'irai oublier dans les... Je ne crois pas. Le riz, on fait cuire le riz. Ensuite, des épinards. Vous les avez goûté, là, rien. Oui, j'ai mis 5-6 poireaux qu'on fait frire. Les anchois. Ensuite, on met les anchois dans le poireau et on fait fondre. Le fromage, vous l'avez marqué. Oui, le fromage. Et le sel, le poivre. Sel, poivre. Voilà. Et puis alors, quand vous avez fait ça, alors vous faites une pâte, exactement comme celle de la tourte de nouveau. Hein? Oui, oui. Bon, moi je vais vous expliquer comment je fais cette pâte. Alors, je fais cette pâte comme ça. Voilà, je vous explique. Hein? Oui, oui. Moi, je le fais comme ça, Et puis alors je prends ma roulette et je tire un trait pour que ma pâte soit bien là comme ça, voilà. Mm-hmm. Je vous explique là, c'est mieux encore. Et puis alors je prends, comme mon riz il est bien mélangé, il est assez dur, mm-hmm. je prends des petits paquets, moi je prends avec les mains, des petits paquets comme ça au moins. Oui. C'est un petit peu de riz, puis je mets là, c'est tout un travail de patience, là. Et puis alors, parce qu'à côté vous savez, là. Puis je continue comme ça. Puis je vais les faire. Vous restez quelques temps, non, après. Oui, là, jusque fin mai au moins. Oh, il y a l'anniversaire de ma fille, vous viendrez ce jour-là, vous verrez. Parce que je fais quatre anniversaires ensemble. Alors. Ah, ben c'est bien. Alors, là. Et puis, c'est une amie qui m'a appris à faire comme ça. Parce que d'habitude, moi, je faisais une rangée, puis je tournais, il me restait trop de pâte. Et puis, quand vous arrivez au niveau de votre plate, mettons votre planche, elle est comme ça. Ouais. Vous arrivez là, vous prenez votre plat, vous faites comme ça. Et puis tac, et puis tac, et tac, comme ça. Ah oui. Et de suite, vous en avez une grosse planche. Tout et tout. Ceux qui commencent à faire cuire, ils peuvent commencer à faire cuire. Et moi, je continue à faire ça. Comprenez? Mmh. Et ça va très, très, très vite. Et vous faites tout dans la même journée, la farce et tout ça? Ah oui, tout dans la même journée. C'est-à-dire que quand la farce elle est chaude, mettons, c'est l'été, ma farce est très chaude, j'ouvre les faire des persiennes et puis je les mets à la moitié des persiennes. J'attache avec une cordelette, vous savez. Ouais. Et puis j'ai un plat esprit que je fais ma farce dedans. Et puis je prends le dessus sur une assiette. Et puis vous savez, avec la fourchette, j'en éparpille un peu de là. Uh-huh. Et avant que je finisse ça, j'en mets deux assiettes. Avant que je finisse ça, de temps en temps, je viens là, je tourne un peu, ça s'est refroidi. L'hiver, il n'y a pas de problème, le jus, c'est froid. Oui, c'est ça. Ou même on peut faire la farce. Parce qu'il ne faut pas la mettre chaude, de la farce. Ah non, ah. Même vous pouvez la faire ça à l'avance, hein. Oui. Mais pas le mettre dans le frigo ni rien, parce que c'est moi, je jamais fait. Non. Uh-huh. Et ça, c'est... Et ça, c'est pour apéritif. Alors, ça vous reste des petits machins comme ça. Comment je peux vous dire une valeur de... Comment quelle valeur? Comme ça. Ah oui, tout petit comme ça. Voilà, tout petit. Moi, je l'ai fait comme ça. Oula. Le mariage, comme ça, voilà. C'est presque comme des raviolis. Oui, comme ça, voilà. Oh, j'en ai fait pour la cantine. Mon fils était au conseil, là. À la mairie, j'en ai fait pour la gare. J'en ai fait de partout. J'en ai fait pour les mariages, pour les baptêmes, pour l'inauguration de l'hôtel, pour l'inauguration de la maison de Bray. Mais vous savez, pour l'inauguration de la maison de Bray, je ne veux pas vous le dire, pourtant je ne me flatte pas. Et bien, Madame Devin, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, c'est ça. Et bien, ça a mis de côté les miens, de côté les autres, n'hésitez pas. Ah, oui. Parce que ça, il faut les faire frire alors, hein. Oui. Ça, c'est frit. Ça, c'est frit alors. L'huile très bouillante, et vous pouvez en mettre beaucoup. Moi, je mets dans une cocotte, je ne sais pas si ça existe encore chez vous, mais moi, j'ai une cocotte en fonte. Ah oui. Ça cuit bien, hein. Ça cuit plus vite que la friteuse, oui. Hein. Ah oui. Ah, aujourd'hui, j'ai mis mon huile, là. J'ai enlevé l'huile de la friteuse, je l'ai mis dans ma cocotte, que j'avais ancienne, et ça cuit vite, hein. J'en mets beaucoup, et puis je fais tourner. Ça, c'est très croustillant, hein, puis c'est très, très bon. C'est bon, oui, bon. J'en ai goûté une fois, c'est... Vous avez goûté? Oui, une fois, Caroline, elle en avait fait, elle m'a fait goûter. Ah. Il ne faut pas laver les anchois, parce que moi, je trouve, ceux qui enlèvent les anchois, ils vous enlèvent le goût de du boursot. Ah oui. Parce que là vous n'avez pas besoin de mettre du sel. Hein. Là, il ne faut plus, il faut pas saler. Mm-hmm. Il ne faut pas que je vous ai dit de saler. Si, hein. Vous m'aviez dit, mais... Oui, excusez-moi. Ça ne fait rien. Excusez-moi alors. Peut-être un peu de poivre. Le poivre, vous le laissez. Oui. Mais pas de sel. Ah oui, si les anchois sont salés. Parce que ça dépend des anchois, comme elles sont, vous aurez assez. Mm. Mais ça, alors, les boursotes, c'est un plat qu'on faisait plutôt pour les fêtes ou... Oui, pour nous, on faisait ça quand il est conscrit. Quand mon fils est passé le conseil de révision, maintenant, ça n'existe plus, mais on le faisait. Ça se faisait pour cette... Oui, on en faisait des corbeilles, Et puis, alors, on offrait à boire et à manger. Et même, il y avait le père Edouard, là, maintenant, je ne sais pas si la Ginette où il est. Et bien, il était tout le plus heureux. C'est l'année-là, mon mari, il avait mal au bras, il avait le bras dans le plat. C'est lui qui est venu, il a servi tous les jeunes et tout. Ah oui. Moi je parle, puis ça enregistre. Oui, mais ça fait rien. C'est pas grave. Ah oui, donc c'était vraiment des plats qu'on faisait pour des grandes occasions. Oui, ben moi je l'ai fait quand j'ai du monde. Oui. Vous savez, quand vous avez du monde, vous aimez bien. Avant je le faisais pour la Saint-Joseph, mais malheureusement Ça, mon mari n'était pas à la maison, alors je ne sais pas. C'est ça, c'est ça. Non, pour la Saint-Joseph, j'ai toujours invité à l'assistance sociale sur ça. On se mettait nombreux, j'invitais des amis. Et puis, mais les boursottes. Ah, oui. Mais tout le monde fait les boursottes pour la Saint-Joseph? Ah, pas tout le monde, mais beaucoup. Ah oui. Oh, beaucoup, c'est. C'est une tradition. C'est une tradition, je trouve. Mais peut-être maintenant, il y a beaucoup de vieux qui sont morts. Mais moi, je sais que c'est la première année que ça m'arrive que je n'ai pas fait de boursottes. Ah, oui. J'ai eu mal au cœur de voir mon mari qui était à l'hôpital. Bon, il ne pouvait pas manger. Ah, oui, le pauvre. Et puis, moi, je ne pouvais pas les faire parce que c'est très lourd à faire. Mm. Puis, je ne me serais pas poussée quand vous avez. Le jardin, le mari à la clinique, tout ça, on ne peut pas à faire des plats comme ça. Hein. Mais c'est parce que votre mari s'appelle Joseph? Oui. Ah oui, c'est pour ça que vous faites ça. Oui. Ah d'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Parce qu'on fait aussi pour la Saint-Antoine, non? Il me semble. Peut-être. Moi, je n'ai jamais fait pour la Saint-Antoine, oui, peut-être. Oui. Il me semble quand même. Oui, à la Place Rouge, je crois que cette année. Pas cette année, je ne sais pas si cette année ils ont fait. Parce que moi, cette année, on était à l'Oradio avec mon mari. Je n'avais pas pu aider. Le père m'avait dit d'assister à la messe, puis j'ai dit non, je ne peux pas, j'accompagnais mon mari aux analyses. Mmh. Et on est rentré le soir à 7h30. Mmh. Parce qu'avant qu'il soit au père d'âge, puis ça y est, finit par ça, alors c'est pour ça que ça nous a mis tout en retard. Mmh. Attendez, là, qu'est-ce que je peux vous faire faire là? Les barbajons aussi. Les barbajons, alors c'est fait avec des choux. Alors vous prenez du chou vert, il faut plutôt qu'il soit vert le chou. Chou vert. Il vous sait les feuilles vertes, pas les blanches. Oui. Et vous le faites bouillir. Vous les goûtez bien, vous, même avec les mains, vous les pressez très bien, parce que ça a tendance à un peu avoir ce qui est de l'eau, oui, vous le pressez très bien, puis vous le hachez. Et puis vous mettez de l'ail. Les barbajons, vous faites, je ne sais pas moi combien on pourra faire, je ne sais pas moi. Parce que vous en faites combien par exemple, vous ne savez pas? Non, parce que moi, j'ai fait tout au pif. Oui. Parce que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire combien on met de farine. Parce que maintenant, vous avez les barbajois. Je vous ai dit qu'est-ce que vous avez marqué. Du chou, de l'ail, du persil, des œufs. Des œufs et du fromage. Fromage. Bon. Mais après, alors, quand vous avez tout mis ça, et puis vous mettez du sel aussi là. Oui. Hein? Du sel et du poivre. Bon. Et vous mélangez tout ça, vous comprenez? Vous mélangez tout ça, seulement il faut que vous ayez votre farine autour et vous rassemblez votre farine. Alors donc, je ne peux pas vous dire, mettez-en 500 grammes, quand tout est rassemblé, que c'est assez, vous voyez que vous arrivez étalé, vous arrêtez, vous voyez? Oui, si je vous dire. Pour voir enfin à la consistance. À la consistance. D'accord. Donc je ne peux pas vous dire, ça c'est comme les kicks. C'est pareil, parce que nous on dit des kicks, vous dites les merdes des carnes. Oui. Hein? Nous on dit les kicks. Eh bien, moi, il y a une amie, elle me dit, moi les kicks je ne les fais pas comme vous, je fais des merdes des carnes. Nous on les fait plates, eux ils les font. Ils les font. Des tortillons là. Tandis que nous on les fait plates. Alors moi je sais que je mets mon chou là, toute ma face là, je mélange tout ça là comme ça. Et puis je me prends ma farine, je mets un peu de la farine autour. Et si j'allais passer, je me prends encore une poignée pour que je puisse étaler ma pâte. Ah, vous voyez ça. D'accord. Alors, le chou, c'est vraiment haché très fin alors. Ah oui, il faut qu'il soit haché très fin. Mm-hmm. Et puis alors, vous étalez votre pâte qui soit bien étalée. Hein? Et puis alors, vous coupez des morceaux comme ça alors. Des morceaux comme. Voilà, comme l'argent de votre mère là, comme ça. Et vous faites frire. Et c'est très très très très bon. Hein? Ah ça c'est des plats longs mais... C'est long à faire. C'est long à faire. Vous aimez de l'ail du persil aussi oui, oui, oui, oui, oui. C'est des plats très longs, le fromage et tout. Hein? Oui, oui. D'accord. Et du fromage, vous en mettez beaucoup là-dedans? Une bonne poignée. Ouais. Je ne peux pas vous dire la quantité parce que moi je ne me mesure pas. Oui. Ça c'est l'habitude, à force d'en faire, vous savez. Oui, des fois il y avait des gens qui venaient des clients en bas, je dis, je ne peux pas vous les expliquer. Moi, j'ai fait tout ça au pif, puis nous, on en faisait des quantités énormes, alors je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre, là? Et les barbajans, c'est quelque chose qu'on fait aussi très, très couramment ou... Oui. Vous pouvez l'offrir pour leur d'œuvre, ça même, si vous voulez. Mm-hmm. Si vous voulez pas les faire gros comme ça, vous avez des amis, vous pouvez les faire des plus petits comme ça. Au lieu d'acheter ces paquets qui... C'est pas que finalement, vous savez, c'est zéro. Ouais. Mais il faut avoir le temps de les faire, parce que quand même, ça prend non, le temps. Non. Parce que ce donne le temps, c'est de... Vous faites bouillir le chou une fois que vous avez... Après, vous faites vite, vous avez pour faire ça. Et c'est toujours frit, les barres. Toujours frit. Ah oui, c'est pas du tout au four, ni rien. Non, non, non, non, toujours frit, toujours frit, toujours frit. Là, qu'est-ce que je peux vous dire encore les... Ben, les, toutes les pâtes, là, les kicks, tout ça. Ah, ben, les kicks, alors, je coupe mes blettes très fines. C'est toujours... C'est pas la même pâte, hein, alors, là. Oui. Mes blettes très fines. Et je mets de l'huile, un petit peu de l'huile, un petit peu de sel. Parce que moi, vous savez, mes kicks, moi, je fais quand je les coupe. Parce que maintenant, comme c'est l'hiver, il n'a pas plu. Mm. Et les kicks, elles n'ont pas tendance à faire de l'eau. Ah. Et je ne mets pas de l'eau. Alors, je lave bien mes blettes. Mm-hmm. Je les coupe très, très, très fines. Et je mets un petit peu de sel dans le saladier. Alors, il faut... Si elle faut assez doux, ça va. Si elle faut pas assez doux, je mets encore un petit peu de sel. Mm-hmm. Et alors, je prends rien que ce que... Vous savez, je prends de la farine, rien que ce que je tourne, oui, oui, oui. Ce qu'elle se prenne. Et si je vois que c'est trop dur, alors là, je mets une goutte d'eau. Ah, voilà. Pour bien les... qu'elle soit assez... Là, il faut qu'elle soit ni trop molle, ni trop dure. Mm-hmm. C'est toujours pareil, pour pouvoir les élargir. Mm-hmm. C'est toujours comme pour les barbadois, pour pouvoir les élargir. Mm-hmm. Alors après, une fois que c'est élargi, alors je... Je coupe des traits comme ça, parce que moi je ne fais pas comme Anis. On coupe des traits longs comme ça, oui. Vous voyez, un peu plus large que ça. Hein? Oui. Et puis alors je coupe comme ça, vous voyez, mm-hmm. Avec le couteau, comme, ah, des, oui, oui. Comme des nouilles. Ah, oui. Tic-tac, tic-tac. Je mets plus de... Moi je les mets, vous savez, je prends ma bande qui est longue comme ça, je mets un peu de la farine, je la recouvre comme ça, et puis je les coupe en deux comme ça, très fin. Ah. Et puis je les défais un peu comme ça. Et vous la balancez dans de l'eau froide, dans de l'eau qui boue, mm-hmm. Vous les égouttez et vous faites une bonne sauce et vous servez ça avec du fromage par-dessus. C'est la sauce, c'est la sauce tomate ou sauce tomate, l'adobe, du lapin, là, n'importe, vous savez, n'importe. Mm-hmm. Et ça, vous en faites souvent maintenant? Ah, nous, moi, oui. Oui. Albert, aujourd'hui, mon fils, il croyait que j'avais fait des kits, puis j'ai dit, aujourd'hui, j'ai fait les bourses à choses. Oui, mais vous faites tout le temps de la cuisine brioise, alors. Oui. Oui, oui. Et je peux vous dire les gnocchis aussi. Ah oui, oui, oui. Alors les gnocchis aussi, c'est la proportion, je ne sais pas. Il faudra un bon kilo de pommes de terre. Seulement, c'est la portion de farine. Moi, je ne pèse pas. Parce qu'on ne peut pas peser. Alors là, je vais bouillir mes pommes de terre avec les épluchures. Mm-hmm. Parce que si maintenant les pommes de terre nouvelles, vous ne pouvez jamais faire les gnocchis. Hein. Ah oui, c'est il faut toujours les vieilles parce que c'est très baveux, hein, les pommes de terre nouvelles. Ah oui. Ah, vous n'arrivez pas. Hein. Vous n'arrivez pas à vous dépétrir. Moi, je fais bouillir avec la peau et sans sel. Je lève bien et sans sel. Hein. Je ne mets pas de sel du tout. Mm-hmm. Puis après, j'enlève ma peau et je les tourne en moulinette. Ouais. Ou encore le vieux moulin, hein, il faut que ça se tourne. Au vieux moulin. Si on fait avec un moulin électrique, ça marche pas. Ah non, non, non, ça marche pas, c'est trop, ah, fin. Oui, trop fin. Je l'ai, moi, là, que je m'en sers pour la verre et tout, mais c'est trop fin, non, c'est trop fin. Et alors là, je mets une goutte d'huile, un petit peu de sel, mais pas trop. Et puis je vous dis de nouveau, je fais un rond avec de la farine et je prends ce que j'ai besoin. Mm-hmm. Et ce que j'ai pas besoin, il faut que ma boule, elle tienne bien, que je puisse bien la pétrir pour que je puisse l'étaler. Mm-hmm. Donc je ne peux pas vous dire, je mets un demi-kilo de farine, non, je ne crois pas, non. Non, mm-hmm. La farine, je sais qu'on en met très peu. Ouais. Il faut que la boule, elle soit un peu souple ou qu'elle soit un peu souple, qu'elle ne soit pas trop dure quand même, qu'elle soit un peu souple. Alors là, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça lève les liens. Vous coupez, moi j'ai la raclette exprès, vous coupez et vous faites des petites choses comme ça, vous savez, des boudins, des petits boudins, vous les coupez longs comme ça, mm-hmm. Vous prenez votre fourchette et vous faites comme ça. Ah oui, ça c'est vu. Vous avez vu faire? Oui, oui, oui. Ah oui. C'est Mme Ritier? Non, non, ma mère sait les faire. Ah! Parce que j'ai une marraine piémontaise. Ah! Alors vous le savez de faire ça? Mais oui, mais ça on sait jamais, des fois c'est pas la même recette. Hein. Non, non, c'est la même recette. Oui. C'est pour ça que je vous dis, c'est la même recette. C'est... Seulement, je vous dis, moi, des fois, j'en avais de la farine, parce que autour, des fois, j'en ai mis trop. Parce que des fois, ça, on ne le fait pas trop cuire, parce que... On ne le fait pas trop cuire, parce que de suite, c'est cuit, ça. C'est-à-dire, vous le mettez à l'eau bouillante oui. Vous voulez la recette des raviolis aussi? Ah ben oui, ça c'est important, l'herbe de vie. D'accord. Et les gnocchi, vous les servez avec quoi? Ah ben, avec de la viande, hein. Soit de la sauce tomate, soit de l'adobo. On met toutes sortes de sauces, vous voulez quand même marquer. Voilà. Là, même poitrine de veau, ce que vous avez sur la main, hein. Tomate ou ce que vous avez sur la main. Hein. D'accord. Même avec de la viande hachée, des fois, moi, l'été, je prends de tomates, je prends un peu de viande hachée, je le fais. Ou avec des saucisses, même, vous voyez. Je fais une sauce tomate et je mets des saucisses dedans. On peut faire n'importe comment. Tu sais, des saucisses fraîches. Là. Ah oui. Ah oui, ça oui c'est très, très, très bon, ça. Ça dépend si vous avez du monde, si vous n'avez pas du monde. Ça, on le fait parfois avec le lapin aussi. Ah oui, oui. Je le fais souvent avec le lapin. Ah, oui. Les enfants, ils adorent ça. C'est bon. C'est très, très, très bon. Bon, alors, les raviolis. Toujours la même pâte, c'est pour les raviolis. Toujours la même pâte. Toujours la même pâte. Je mets toujours du sel et un peu d'huile et de l'eau. Hein. Et puis, je fais comme une pâte qui soit ni trop molle, ni trop dure. Seulement là, pour les femmes jeunes, c'est un peu compliqué. Hein. Pour les Pour les jeunes femmes. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il faut faire, la daube, ma petite. Aïe, aïe, aïe. Vous croyez que les jeunes femmes, elles font plus les raviolis? Ah, je crois pas. Non. Je sais pas vous, si vous êtes comme nous. Anne, elle aime bien. Anne, elle aime bien parce que... Anne, je crois qu'elle est comme moi parce que... D'abord, je crois que vous serez comme nous parce que si vous aimez, ça, ça vous vient. Mais il faut avoir le parce que moi, j'étais nulle hein, au début. Ah oui. J'étais nulle au départ et maintenant, je regrette de regarder les trois meules. C'est dommage. Vous voulez, j'arrête. Vous voulez, vous arrêtez. Ouais. Ça vous fait perdre du temps, non? Non, moi, j'ai tout mon temps. Hein. Ah bon? J'ai que ça à faire. Ah, mais c'est bien, ça. Oui. C'est bien. Oui, c'est mon travail, hein, alors... Ah bon, mais ça, et ça, qu'est-ce que vous en faites après avec ça? Après, je vais écrire sans doute quelque chose. Ah, c'est bien. Parce que c'est un travail qui est commandé par le ministère de la Culture. Et aussi, vous l'écrivez ça, on passe sur quelque chose? Je ne sais pas encore trop, ça dépend, je vais sans doute écrire... Parce qu'il y avait un monsieur, il avait dit que... Parce qu'un jour, on est resté en panne, il avait dit... Vous savez que peut-être un jour, on passerait... Mais Man, elle m'a dit, un jour, mais ce monsieur... qui est venu en bas, il faisait trop vite, il a voulu trop faire vite, là. Puis il y a les gens qui ont manqué, tout ça. Ça a été trop à la brique et braque, voyez. Moi, j'aurais préféré... J'ai écouté le début de l'émission. Oui. J'avais écouté... Moi, je n'ai pas bafouillé, mais... Je me suis trompée, j'ai perdu le rire, voyez. Oui. J'ai entendu? Non, ça, je n'avais pas entendu. Juste le début, j'ai écouté. Ah bon? Jusqu'à ce qu'il y ait Christine Cotta-Lorda, je crois. Mais moi, je suis passée après. J'aurais dû passer avant. J'ai arrêté juste à ce moment. Voilà. Parce que j'avais autre chose à faire. Et oui, alors lui, il voulait vite, vite, vite, mais mes pères. Et quand on vous dit vite, vite, vous ne vous en rappelez plus. Hein. Surtout quand vous êtes tout le monde là qui vous regarde, ça ne me plaît pas, ça, moi, ça qui se moque. C'était. Surtout que Albert était conseiller, mon fils, alors. Ils avaient un peu de jalousie, alors. Oui. Enfin, bon, commençons par le... Alors, vous me dites, les raviolis, toujours la même pâte. Donc. Toujours la même pâte. Alors... Vous ne faites pas reposer, si ah, oui, reposer, oui, oui, oui, oui, toujours, toujours reposer. Parce que la pâte, je vais vous expliquer encore une fois, plus elle est reposée, mieux vous arrivez à la travailler. Vous la faites fine comme de la soie. Ah oui. Ah oui, vous allez voir un jour, je vous invite un jour. Hein. Écoutez, avec une chose comme ça, regardez, vous faites une grande chose comme ça, vous la faites fine, fine, fine. Et vous la tirez tant que vous voulez. Demandez à Anne. Vous la tirez. Anne se demande comment je fais. Vous la tirez tant que vous voulez. Ah oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que là, c'est question de daube, ma petite. Ah voilà, alors c'est la question de la daube. Donc, il faut faire une daube. Eh oui. Alors ça se fait la veille ou quoi? Moi, je l'ai faite la veille, là, la daube. Oui. Là, il faut des bons morceaux parce que moi, je vais vous expliquer. J'ai pris... Vous m'avez vous enregistré là, oui. J'ai pris 1,5 kg de daube, mais je ne veux pas de la daube qui soit grasse. Parce que je veux en garder pour que les enfants ils en mangent encore. Oui. Alors mon mari, il met un gros, mettons, un gros morceau pour chaque personne. Alors je ne sais pas comment vous dire, 1,5 kg, mettons... combien de personnes on va faire là? Je ne sais pas, moi. Vous avez mis combien 5 personnes, 4-5 personnes, non? 5 personnes. Mettons 1 kg de farine, là, on met. Oui. On met 1 kg de farine et on va mettre 1 kg de farine. Hein? puis 1 kg et demi de dôme, mais ça me fera la matière. 750 g de viande. Mm-hmm. Et la matière, vous la gardez. Donc, hein. Moi, je vous dis une chose comme je fais moi, vous voyez. Oui. C'est-à-dire, on fait en tout 750 g et on garde la moitié ou on fait 1 kg et demi? Ah non, vous faites, si vous voulez, moi, je fais comme ça. Oui. C'est pour avoir après, parce que vous avez votre jus. Oui. Après, parce qu'il faut mettre, faut penser pour mettre sur vos raviolis, mm-hmm. parce que les raviolis se font avec le jus d'adobe. Mm-hmm. C'est meilleur, ça, c'est comme ça. Hein. Et alors, les enfants, ils aiment bien avoir un morceau de d'adobe chacun. Alors, je me fais couper des gros morceaux de d'adobe comme ça, mm-hmm. et j'en mets un à chacun. Ah oui, d'accord. Pour couper très fin, mon mari passe ça, il passe à... Sous votre mari vous aide? Mon mari il m'aide. Ah, ouais. Ça il le passe tout à la machine électrique. Oui, parce que la viande, moulinette, parce que la viande elle est très fine. Uh-huh. Pour que ça reste très très très fin. Même les blettes, je les fais bouillir pas trop, mm-hmm. parce qu'il faut des blettes aussi. Oui. Des blettes mettons deux paquets. Mais vous y enlevez la queue, vous y enlevez la côte. Hein. Oui, on garde que le verre. Que le verre. Oui. Mais vous le faites pas bouillir que ce soit trop trop mou, vous le passez à la moulinette aussi. Hein. Mm-hmm. Ce sera très très très fin. Là, alors, vous avez marqué 750 g de viande. De hein? viande, oui. Vous avez 1,5 kg si vous voulez, si oui. vous voulez mettre pour les gens, oui, si vous voulez regarder pour. D'accord. Si vous avez du monde. Aujourd'hui, pour ne pas faire de dépenses. Si vous faites qu'une seule dépense, comprenez? Oui, oui, bien Parce sûr. Que les gens, ils aiment bien manger la daube après. Bah, c'est bon. Oui. C'est bon la daube. Oui, seulement, il faut la faire que 3 heures. Hein, c'est ça. Oui. Ah, c'est ça. 3 heures, 3 heures et demie. Hein. Ben, oui. Bon. Et alors là, vous mettez, là, qu'est-ce que j'ai dit? Des blettes. Les blettes, la daube, des œufs, deux œufs. Du fromage. Du sel et du poivre. Puis vous regardez. Il n'y a pas de riz, hein? Ah non. Et la daube, vous les goûtez bien, hein? Qu'elle n'ait pas trop de jus parce que ça vous rendrait la face très molle. Mmh. Et vous n'arrivez pas à faire vos petits paquets après, vous comprenez? Mmh. Bon, alors, j'ai rien oublié. On mélange tout ça. J'ai rien oublié, alors, le fromage. Ouais. J'ai rien oublié. Les blettes, ouais. la daube, les œufs, le fromage, le sel, le poivre. Mm-hmm. Ça, c'est la farce, alors. On mélange, c'est la farce. Bon, vous la mélangez, vous la goûtez, c'est les bonnes. Il ne faut pas qu'elle soit, qu'elle soit trop dure. Elle ne sera ni trop dure, ni trop molle, comme mm-hmm. ça. Si les blettes, elles sont bien pressées, mm-hmm. vous n'avez pas de problème. Hein? Vous n'avez pas de problème. Alors, vous faites, vous étalez de nouveau votre pâte. Mm-hmm. C'est de nouveau pareil, hein? Oui. C'est exactement pareil. Seulement, c'est les carreaux maintenant. Oui. Alors, je coupe, je prends mon couteau, comme si j'avais un couteau, hein? Voilà. Ça, c'est mon feuille de pâte, hein? Moi, je fais comme si j'avais la pâte. C'est comme ça, voyez, là? Je commence comme ça pour être plus sûr, hein? Puis je mets là, je fais comme pour les morceaux, tout. Oui. Je mets plus petit. Je fais comme ça, alors, là, hein? Petit, comme ça, voilà. Oui. Je mets un peu là, plus gros que ça, quand même, comme ça, hein? Quand même, que... Non, comme ça, oui. Ouais. Comme ça. Vous voyez? Alors, je mets là. Je mets là. Attendez, je vous le fais voir. J'ai un cordelier. Ah bon. Alors, vous savez. Pour vous donner une idée, hein, c'est. Oui. Comme j'en fais toujours trop, j'en ai donné. Vous voyez comment c'est? Oula, oui. Ah, vous voulez. Oui, c'est si vous voulez. Mais il est très froid. Je vais juste goûter. Prenez le dessus là peut-être, j'ai non ça va. Là, il va être duré là maintenant. C'est bon. C'est bon mm-hmm. Mais c'est froid, hein. C'est froid, hein. C'est un peu froid, mais... Pardon. Mais là, vous faites pas les carrés à la roulette, alors. Non, pas la roulette. Attendez. Ah, mais voilà, c'est le premier mouchoir. Comment vous trouvez là, vous très, très bon. Alors, écoutez, là, vous faites vous, voilà, vous mettez comme ça. Vous... Non, ok, je suis bête. Vous n'avez pas encore commencé? Non. Que je me tombe d'une chose, je me vais à l'autre. Bon, vous faites votre pâte. Je vais aller trop vite. Et puis alors, vous faites votre trait, hein, qui soit bien fait, votre trait qui soit bien fait. Tac, là, vous faites votre trait. Puis vous commencez, vous faites des traits comme ça. Vous voyez, de là. Oui. Des traits comme ça, tac, là, comme ça. Et puis mon carré, je ne le fais pas plus gros que ça, vous voyez? Vous voyez ça? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme ouais, ça. Ça fait 3 cm sur 3 cm. Je vois. Comme ça, vous voyez, regardez, comme ça. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Et puis je coupe là. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Il me reste que le petit coin là. Parce que je ne gaspille pas beaucoup de farine. Pas beaucoup de pâte. Alors, le petit coin, je le presse bien et puis je le mets dans mon saladier pour qu'il revienne de tout. Oui, j'en ai un petit peu. Un peu, hein. Et puis alors, je mets, quand j'ai tout fini, ça fait comme ça, je mets ma, ma chose et je prends, mon chose. Attends, je vais prendre mon chose. Je vous expliquerai mieux, je vous apprendrai mieux que ça. Ça, c'est mon ravioli, hein? Oui. Je vous expliquerai mieux. Parce que c'est pas dur de faire les choses, mais il faut voir. Mais oui, c'est ça, parce que... Voilà, je ne fais pas plus gros que ça. Voilà. Alors là, je mets ma face, parce que là, c'est mon feuille, hein? Oui. Vous voyez? Alors là, il y en a un, là, il y en a deux, puis on continue jusqu'en bas comme ça. Puis l'autre, il est comme ça, vous voyez, voilà. Oui, oui, oui. Et j'ai juste enlevé les coins. Et les coins, je les presse bien pour m'en servir, parce qu'ils ne resteront pas durs. Alors, je mets ma chose là. Et au lieu de faire n'importe comme ça, ça ne fait pas beau. Mm-hmm. Je mets ma chose là, je fais comme ça, ah. Et je le tourne comme ça. Ah, voilà. Vous ne faites pas du tout en carré, alors? Non. Ah, oui. Non, ça reste comme ça. Ah, si vous voyez comme c'est présentable sur des plats, hein, je présente ça. J'avais une copine avant-hier. Elle est venue, elle a amené son petit, il a divorcé justement là-bas. Et c'est une opticienne, elle est à Place du Pain. Elle est venue accompagner son fils qui fait du canoë kayak. Elle n'a mangé que ça. De l'ordre, personne n'a mis deux assiettes comme ça, elle n'a pas vu de top ni rien. C'est présentable parce que ça, oui, ça fait, oui, des, oui, ça fait des petits. Ça fait des petits pachins, voilà, c'est ça. Ça m'a appelé. Il ne reste pas plus gros que ça. Et puis vous faites bouillir votre eau, ouais. Vous mettez du sel, et puis vous faites bouillir 10 minutes. Et si vous voulez encore mieux, si vous voulez en faire, si vous avez un congélateur, vous les faites à l'avance, vous prenez, si vous avez des plaques, ça va. Si vous n'avez pas des plaques, vous prenez des cartons. Moi, je vous explique, parce que j'en ai fait à ma fille. Vous n'avez pas assez de plaques. Moi, j'en ai pas. Ah, oui. Parce que, écoutez, on a deux grands appartements. Et comme avant, je louais en bas. J'en ai jamais acheté un, mais maintenant, je vais en acheter un. Et j'ai laissé à mon fils en bas, j'ai un petit studio. Et alors, je peux pas mettre le congélateur, puis l'enlever. Oui, voilà. Bien sûr. Mais je vais m'en acheter un. Et si vous n'avez pas de plaque, vous pouvez prendre des cartons, c'est que quelqu'un qui a un congélateur, mettre un peu de farine, les faire deux mois à l'avance. Et puis, alors là, dès que vous voulez, si vous mettez, vous faites deux mois à l'avance, vous en voulez qu'un carton, vous avez 4-5 personnes, vous en avez un carton comme ça, vous dites, tiens, aujourd'hui, j'ai 5 personnes, un carton comme ça, ça me suffit. Vous le prenez, il faut que l'eau elle boue, pour pas que ça se colle, vous le balancez, vous ne le laissez pas trop cuire. Ah oui. Et ça se garde 6 mois dans le congélateur. Ah, c'est bien, ouais. Vous le mettez dans un petit carton, comme elle fait ma fille là, parce qu'elle va faire la communion pour moi, Joël. Elle le fait avant, c'est pour ça qu'elle ne veut pas que j'aille l'aider. Ah voilà. Elle les fait, elle. Elle les fait comme vous. Oui, exactement comme ça. C'est moi qui lui ai appris à faire comme ça. Et alors là, les petits retaillons, vous ne gaspillez pas votre pâte. Parce que comme si vous faites comme ça votre pâte, les petits bouts qui restent au bout. Oui. Il reste juste des petits coins de rien du tout. Puis votre pâte, elle est presque égale. Et puis, elle sera un peu plus dure, mais vous y arrivez quand même. Ah voilà, et vous gaspillez rien. Et vous gaspillez rien. Et tout le monde fait comme vous, à Breil, cette forme de violine ou... Non, parce qu'on avait fait une fois, que une dame était venue, et puis elle nous avait fait faire des trous, un trou au milieu. Ça leur a pas plu. Un trou au milieu? Oui. C'est tout un système. Comme les anneaux, là, qu'on fait. Voilà. Ça leur a pas plu. Ça fait un peu plus dur, peut-être. Voilà. Il y a plus de pâtes, ça faisait ce genre-là comme ça. Oh, ça nous faisait toute une histoire, il fallait tourner les deux pâtes. Moi, j'allais pas assez vite, et on n'allait pas assez vite. Je dis, on se perd du temps. Et puis, quand on a présenté ça le premier dimanche, les gens, ça leur a pas plu. Ah oui. Alors, mon fils, il m'a dit, maman, vas-y comme ça. Mais oui, ça reste plus souple, sans doute. Ça reste plus souple, puis c'est très bon, ça. Ben, vous faites une petite entrée. Moi, dimanche, j'avais fait une entrée, ma copine, là, qui a 43 ans, là, elle a mangé que de ça, mais elle a mangé de fois, mais elle n'a pas voulu de la dôme. Moi, la dôme, il me reste encore maintenant. Vous voyez, la dôme, ça se garde. Donc, oui, parce qu'on peut faire des boulettes, on peut faire pas mal de choses. Ça peut puis le jus aussi. C'est aussi bon, hein. Le jus se garde dans le frigo 4-5 jours. Hein, parce qu'avec un bon jus, puis après, mais dans la dôme, vous mettez quoi? Moi, je vais vous expliquer comment je fais la dôme. La dôme, je prends la viande. Et puis je la fais frire dans la poêle parce que des fois, comme elle sort, moi je trouve que avant, la viande, elle ne faisait pas de l'eau. Vous ne trouvez pas qu'elle fait pas de l'eau maintenant, des fois? Je ne sais pas, moi je ne mange pas beaucoup, mais alors je ne sais pas trop. Ah bon, vous en mangez pas beaucoup? Un peu de temps en temps, mais pas beaucoup. Vous n'avez pas beaucoup, c'est pour ça que vous grossissez pas. Moi je voudrais manger que de la viande alors. Ah, ouais. Alors, moi je prends mon morceau de daube et je le fais revenir dans la poêle. Et puis après, je le mets dans la cocotte là-bas, quand ils sont bien revenus. Oui. Quand c'est bien revenu, je mets un gros oignon, je le fais bien revenir. Je vais trop vite, non? Non, ça va. Oui. Je fais bien revenir. Et puis je me prends une bonne poignée de farine, ça dépend, après 1,5 kg, une bonne poignée de farine. Et je tourne ça. Avec la viande. Avec la viande dedans. La farine, elle roussit, vous savez. Oui. Je tourne bien, bien, bien. Hein. Mmh. Elle roussit, mais vous mettez de l'huile, hein, pour faire cuire votre viande, tout ça. Bon. Elle roussit, je mets mon vin. Avant de mettre mon bouquet, du vin rouge, avant de mettre mon bouquet garni. Mon bouquet garni, je le mets après. Mm-hmm. Et quand mon vin il bouge, je le fais flamber. Je prends une allumette, je le fais flamber. Ah. Il ne faut pas avoir peur, moi je laisse un peu la fenêtre ouverte, il ne faut pas avoir peur, parce que ça fait de la flamme. Ben, ça enlève le chaud du vin, vous savez. Ah, voilà. Ça enlève toute l'odeur du vin. Et après, je mets mon bouquet garni de du thym, du laurier. Moi, je ne mets pas du. Ce que je ne mets pas dans le chaud, c'est du thym, pas du thym, du romarin, parce que je trouve dans les raviolis, ça vous reste ces choses fines là. Les gens, ça ne leur plaît pas trop. Des fois, tandis que le thym, le laurier, ça ne se défait pas, c'est très fin. Hein. Mais j'ai vu que les gens, des fois, vous savez, ces feuilles sont défendues, oui, ça vous plaît. C'est dur en plus. C'est un peu dur, j'en mets pas. Et puis alors. Ma pauvre, je laisse bouillir 3 heures et demie. Là, il faut regarder. Là, du menu bien, ça vous fait une sauce très succulente. Oui, ça reste très, très... Je vous regarde un peu si j'avais encore qu'elle est restée. Et parce qu'on va mettre dans un... Vous voyez comment elle reste ma sauce? Mais là, elle est au frigo. Oui, oui. Mais il y avait des gros morceaux. Oui, il est épaisse. Alors, vous laissez bien vos raviolis et puis vous mettez votre fromage dessus. Vous les écoutez, les raviolis, hein? Oui, ça. Je vous ai dit pour les pâtes fraîches aussi ou non? Non, vous... Les pâtes vertes. Vous m'avez dit les kicks. Mais c'est ça, là. C'est tout, hein? Mais c'est tout. Là, les raviolis, c'est tout. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi? Les raviolis, on n'a rien oublié ou moins, non? Non, je crois pas. Le plus dur, c'est la dinde. Et les raviolis, c'est toujours farci avec de la blette ou vous les faites parfois avec d'autres choses? Ah non, l'autre jour, ma nièce, heureusement qu'elle m'a vue en bas. Elle attendait son fils qui était gendarme et elle allait acheter des épinards. Mmh. Et moi, j'ai une dame là, je ne veux rien dire parce qu'elle est tout PMU là. Ouais. Et souvent, elle les fait avec des épinards, mais c'est pas bon, ça, c'est trop bon. Ah oui? Oh, c'est bon. Je m'en reste tout passé, c'est dans les mains. Ah oui? Et je n'arrive plus à me dépétrir. Je n'arrive plus à me dépétrir du tout. C'est seulement avec des épinards, sinon. Non, la blette. Oui, la blette ou il y a des gens avec des téléphones et des épinards. Oh, c'est pas bon, les épinards. Vous n'arrivez pas à faire vos tasses, ça vous dégouline de partout. Ah, oui. Vous avez, puis l'épinard, c'est mou. Mm. Tandis que la blette, vous la pressez, vous l'égouttez déjà. Elle est déjà bien égouttée. Mm. Et vous la pressez, oui, c'est pas pareil. Oui, oui. C'est plus ferme, déjà. Mais c'est plus ferme. Mm. Et avec, on ne farcit pas avec autre chose. C'est tout. De quoi? Les raviolis. Il n'y a pas de raviolis, je ne sais pas, farcis avec d'autres choses. Non. Il y a des Italiens, il y a des Piémontais qui le font avec de la pomme de terre. Mais... Ah oui? Oui. La pomme de terre? Oui, moi j'ai une copine qui fait des pommes de terre et pas rond. Ah oui. Ouais. Ah, ouais. Et s'ils mettent ça sur bord, c'est fait à la Piémontaise. Ça. C'est à la Piémontaise, mais non. c'est pas vrai. Ah oh, bon, on n'a jamais fait de ça, non. Elle avait fait ça. Mon mari, il ne voudrait pas ça. Ah oui. Mon mari, il a que les gnocchis, c'est bon, après les... Et la polenta, vous la faites? Oui, la polenta, on l'a fait. Ouais. Ouais. Et vous la servez avec quoi? Ah ben, moi je le fais avec de la bonne saucisse. Hein. C'est une bonne avec sauce la dôme. Tomate. Avec la dôme, vous la faites ou... Non, nous, on fait plutôt avec une bonne... Voilà aussi, vous savez, moi je fais deux qualités. J'en fais avec de la sauce tomate, avec des saucisses dedans. Mm-hmm. Et je fais comme ma mère aussi. Ma grand-mère était piémontaise. Elle faisait du poireau frit. Ah oui. Paraît que c'est bon ça, non? Mais alors, le poireau frit. Vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? C'était mon arrière-grand-mère. Pour pas qu'il soit trop frit, ils avaient des astuces, vous savez. Ils mettaient sur la cocotte, sur leur cocotte, ils mettaient le couvercle. Ouais. Alors c'était ni frit ni bouilli. Enfin, ni bouilli. Oui, d'accord. Voilà. Et c'était très bon. Et on mettait ça par-dessus les tranches de plantes. Mm-hmm. Et on mettait du fromage. Et c'était délicieux. Ah oui, les enfants, ils s'en rappellent encore. Ah oui. Ils disaient, oh, mais c'était bon quand la grand-mère le faisait, ça. Mm. Ouais, quelqu'un me l'avait dit. J'avais envie d'essayer de le faire. Parce que ça me... La poulangue. Avec des poireaux. Ah oui, c'est très bon. Il paraît que c'est ça. Oui, bon. Vous mettez un peu de sel pour que ça fasse un peu de jus. Mm-hmm. Et pour pas qu'il reste trop roussi, parce que si c'est trop roussi, c'est pas trop bon pour mettre dessus. Oui. Mais alors là, il faut en faire quand même un petit peu plus parce que vous avez froid? Non, non, pas du tout. Parce que votre cou, il ne s'abîme pas. Oh, mais non, mais vous savez, c'est un vieux truc. Vous... C'est pas... Alors, la poulangue. Et les nardons, on m'a parlé quelque part. Ah, ça non, ça, le nardon, ça non, ça c'est à sa orge. À sa orge? Oui. Ah oui. Et ici, non. Les nardons, avant, on les faisait, oui, mais on faisait, mais maintenant, l'huile, elle n'est pas bonne. Ma pauvre belle-mère, elle les faisait, elle, les nardons. Mais elle faisait avec le fond de l'huile. Ah oui, j'ai entendu dire ça. Oui. Elle le faisait. Oui, oui. Et ça, vous l'avez jamais fait? Ah, moi non. Elle faisait ça au four. Ah oui. Oui. Elle prenait ce fond de l'huile, et puis elle mettait de la farine à peu près ce que ça contenait. Moi, je ne sais pas, moi, qu'elle faisait ça. Mais c'était huileux, hein. Ah bah oui, ça j'imagine. Parce que ça fait trop... Je sais que maintenant, moi, on ne supporterait plus, parce que... C'est quand c'est trop huileux, après ça vous remonte, hein. Là, quand on est petit... Oui, quand on est petit, on mange n'importe quoi, on n'est pas... C'est vrai, on ne sait pas... Là, tant peu, alors qu'est-ce que je peux faire encore? Dans le salé... J'étais en train de calculer encore. Que je veux dire, attends un peu. Là, ça m'était venu. Les capons? Ah, oui, ça c'est. C'est les feuilles de chou. Vous entendez parler, Alice, de ça? La paille. La paille? On m'a parlé de ces les capons? Oui. Alors là, vous prenez des feuilles, des grosses feuilles de chou. Vous les faites bouillir, mais pas trop bouillir quand même. Parce qu'il faut que la feuille soit assez. Assez large pour que vous puissiez la travailler après. Hein. Oui. Alors là, vous faites bouillir du riz. Mais je ne sais pas comment vous dire. Moi, j'en fais tellement. Moi, j'en fais toujours deux ou trois plats parce que j'en ai trois. Ah bon? Parce que ça se garde, ça. Ah oui? Et oui. Là, mettons pour un chou, combien je peux mettre? Alors, mettons 500 grammes. Alors, pour un gros chou, parce que même les petites feuilles, vous pouvez les faire, ils restent petits comme ça, les capons, mais ça fait rien. Parce que les gros, vous pouvez faire des gros capons comme ça. Ouais. Après, les petites feuilles, moi, des fois, je mets deux petites feuilles pour que ça fasse un petit capon un peu plus gros. Alors là, je mets 500 grammes de riz, je le fais bouillir. Toujours sur les riz qui collent, hein, là. Oui. Parce que je n'aime pas le riz. Et là, bouillir à l'eau, hein. Bouillir à l'eau. Oui. Ça, c'est avec mes larmes. Ah, mon oui. 500 grammes de riz, c'est tout. Je vous embête pas trop, non? Non, c'est moi qui vous embête, c'est pas vous qui m'embêtez. Non. Alors, 500 grammes de riz, vous le faites bouillir, hein? Oui. Vous les goûtez. Oui. Moi, je prends de la viande hachée, je prends... pas combien... Ça 250 grammes de viande hachée, 250 grammes de chair à saucisse. Rentrez! Oui, vous pouvez. J'ai que... Et après, on peut écouter? Bien sûr. Voilà, c'est bien, ma fille, elle a la stéréo en bas. Il faudra que vous lui laissez enregistrer. Ben voilà, si elle veut prendre les recettes. Oui. Bon, Alors, attendez, on en était à... Dis, même ça est temps. Excusez-moi. Oui. Pour les capours. Vous mettez de la viande hachée et la chair à saucisse, vous aussi. Ouais. Et si vous les mettez là-bas? Non, c'est ça. Venez vous asseoir. Sur 500 grammes de riz, moi je mets 250 grammes de viande hachée, 250 grammes de chair à saucisse au moins. Eh oui. Il faut ça, hein. Une bonne poignée de fromage. Ouais. Et la viande hachée, il faudra la faire revenir avec un oignon. Ouais. Ah oui. Excusez-moi que je ne vous l'ai pas dit avant. Mais je le note. Ou en cas vous faites un trait. Hein. Oui, vous inquiétez pas. Elle se comprendra à la fin. Oui, elle se comprendra. Je m'y retrouve. Bon, et puis du fromage. Oui. Du sel et du poivre. Sel-poivre. Ça, je ne peux pas vous dire combien vous en mettez parce oui, que. Ça, c'est au goût. Ouais. Qu'est-ce que je mets? Et puis, des fois, moi, je mets encore du chou aussi. Mais qu'est-ce que c'est que tu fais là? Là, je fais le chou farci. Ah, le chou farci. Ah, moi, je mets aussi du chou dedans. Hein. Il faut qu'il y ait du légume dedans avec le farci, c'est meilleur. Parce que s'il y a que du riz avec la farce, c'est pas. Oui, alors au lieu de mettre un chou, vous en mettez deux. Et vous le petit bouillon, vous le... Ah, vous le petit bouchon, et puis après vous le hachez. Vous le hachez pour qu'il y ait de ça dedans, c'est ça que j'ai oublié. Ah oui, d'accord. J'étais en train de penser. Dans la face, il vaut mieux. Et puis du fromage, et du sel et du poivre. D'accord. Et des œufs, hein, là. Ah, bien sûr qu'il faut. Des œufs, t'as peu. Prends 8 kilos de riz, mais moi je fais tout le purée, je ne sais pas, non. Non, ben, il faut au moins deux œufs. Deux œufs, oui. Il faut deux œufs, voilà, c'est tout. D'accord. Je crois qu'on aurait oublié là, non? Voilà. Le riz, son ami. Alors le blanc de dedans, que ce soit un gros chou, hein. Oui, oui. Le riz, la viande hachée, la chair à saucisse. Mmh. L'oignon. L'oignon, vous prenez l'oignon, c'est en premier, alors marquez-vous le. Ah ben, l'oignon avec la viande. Mais l'oignon, il faut que. La viande hachée revenue avec l'oignon. Oui. Voilà. Sel, poivre. Non, probablement, vous faites revenir un petit peu l'oignon. Parce que l'oignon, de suite, il brûle, hein. Ah oui. Et oui, il a tendance à brûler l'oignon. Mmh. Le chou, du chou haché et deux œufs. Oui, voilà. Et puis vous le vous, on mélange. Voilà, vous le mélangez. Alors vous prenez vos feuilles que sont. Alors moi je fais bouillir le riz à part et puis après je mets tout. Parce que sinon après ça reste trop liquide ou trop. Ah bon, moi aussi je fais pas. Voilà. Pas comme le riz. Moi j'ai une copine qui a fait bouillir le riz, mais ça reste le riz bouilli, puis elle mélange tout, c'est pas bon comme ça. Moi, comme je vous ai dit, vous l'écoutez. C'est pour ça que j'ai dit de l'écouter le riz. Ah, moi, je goûte, c'est meilleur. Je fais bouillir, puis je les goûte. Je fais bouillir le chou, je goûte bien, puis je lâche, je mélange tout ça. C'est meilleur. Oui, oui. Alors là, vous goûtez, hein, si c'est bon. Oui, s'il manque du sel ou du poivre. Vous ajoutez ce qu'il faut. Vous ajoutez ce qu'il faut. Voilà. D'accord. Alors ensuite, on met. Et après, alors, vous pouvez préparer vos feuilles de chou. Vous prenez la feuille de chou. Blanchir. Et oui, vous le faites bouillir. Oui. Blanchir vos feuilles de chou. Parce qu'elle soit trop cuite, sinon après vous pouvez pluer. Oui. Juste après. Et puis vous prenez une cuillère à soupe là, et vous en mettez de bonnes cuillères à soupe. Oh, oui, deux ou même deux, trois, même trois cuillères à soupe. Comme la feuille est grosse, ça n'est pas la quantité qu'elle veut faire. Et vous huilez bien votre plat, un plat du four, alors il faut. Hein. Vous les faites au four. Vous les faites au four. Alors vous huilez votre plat de four, hein. Oui. Et puis vous mettez un contre l'autre, puis même moi je mets un peu dessus aussi. Moi aussi j'en mets un petit peu dessus. Un peu et puis dessus je mets un petit peu de l'huile. Vous en mettez un contre l'autre. Oui. Et voilà, après vous pouvez. Votre plat, et puis voilà, vos huiles dessus. Et toujours huile d'arachide ou. Ah, l'huile d'arachide c'est mieux que c'est l'huile d'olive. Oui, là c'est mieux, là c'est mieux. Là c'est mieux. Et vous les ficelez les Non, ils tiennent très bien. Ils tiennent très bien. Avant, ils les faisaient bouillir, mais moi je les entortillais bien et puis vous les faisiez bien. Les vieux, ils les faisaient bouillir, mais moi je Mais il y en a qui le font bouillir, mais alors ils en font un gros, rien que là, vous voyez. Et puis alors, ils ficellent bien ça, ils mettent dans un petit filet, il y a des petits filets, ils vendent spéciaux pour faire ça. Ça se fait ici à Bray comme ça? Pas tellement. Ah, non. Mais enfin, moi, je sais que quand j'étais à Nice, donc je vous parle de ça, il y a 50 ans. Là. Et oui, il y a 50 ans, sa mère, elle était de Bar-sur-Loup, et bien, elle le faisait comme ça, tu vois. Oui, mais alors, elle mettait tout cru, elle. Elle ne le faisait pas comme on le fait Noël, elle mettait tout cru, puis elle farcissait le chou en pied, voyez. Ah oui. Mm-hmm. Et puis alors, elle le mettait dans cette espèce de petit filet, puis elle le faisait bouillir. Oui. Mais à Bray, on fait plutôt. Ah non, à Bray, tout le monde les fait comme ça. Vous êtes toujours enregistré, là ? Oui, oui, oui. Vous êtes toujours enregistré ? Alors, si on parle toutes les deux, on doit faire un déjà fait. Ah, ben je m'y retrouve, c'est l'essentiel. Hein. Ça, c'est pas grave. Bon, alors, attends, mais qu'est-ce que c'est encore qui manque encore ? Je sais plus. Hein, attendez, oui. Ben, je sais pas. Ben, il faudrait faire le récapitulatif. Alors, vous voyez. Non, attends, j'ai fait toutes les choses. Les tourtes. Les tourtes de. Je crois que j'ai rien oublié. La tourte de tomate, qu'est-ce que je vous ai dit? Je crois que j'ai rien oublié dedans. De la tomate, des œufs, du fromage, ail et persil coupé fin, un peu d'huile. Et si vous avez du basilic, un gros bouquet, hein. Ah, c'est vrai. C'est le basilic qui est le meilleur. Oui, vous voyez, j'ai oublié le basilic. Il faut des œufs, du fromage et Oui. À l'oignon, je ne l'ai pas mis là. Ah oui, oui, j'ai oublié, vous voyez. Mmh. Du basilic, vous voyez. L'oignon et le basilic, mais ça me dit que j'avais oublié quelque chose. C'est du basilic cultivé ou c'est du basilic? Moi, regardez, j'ai le basilic là, c'est bon. Ah ben, le sauvage, je ne sais pas, mon vin, il est bien parfumé. Il est encore meilleur. Il est meilleur. Regardez, moi j'ai une plante là, elle est toute libère qu'elle est. Ah, vous la voyez? Vous arrivez à la garder, moi je n'arrive même pas l'été à vous garder, Alice. Je vous en fais une. Ah, mais je sais pas, mais je ne dois pas être douée c'est chaque année. C'est raconte, tu as de ces plantes, de ça. Oui? De sauvage? Moi j'en avais toujours à Sospelé ici. Et puis regardez comment les verts, tout l'hiver, hein. Et je en ai fait deux plantes maintenant, je vous en ferai une. Et je ne sais pas où si j'avais pris sur le tailleur. Je l'ai volé à quelque part, le tailleur. Je sais pas ah, où. Mais ça se peut, hein. Moi, je me rappelle, j'en avais un baquet, on avait coupé. Tu sais, mais ça crée rien, ça. Hein? Et puis, on avait là, à côté de la. Où il y avait l'eau. Où il y avait l'eau qui. On parle. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire Les glaces, je ne m'en souviens plus où c'est que j'ai mis la recette des glaces. Oui, là, c'est tout du salé que vous m'avez oui, dit. Oui, attendez un peu. Là, c'est tout le salé maintenant, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore du salé que je peux lui dire? Dans les pâtes. Les babadjois, j'ai fait. Il y a les tujenes. C'est difficile à les faire, ma pauvre. Vous en faites quelquefois pour les faire? Oui, on en fait. Oui, ça, je crois que c'est tout dans le bout de doigt. Là, aujourd'hui, vous voulez pas. Vous, on est enregistré, fermé. Oui, vous me dites. Les faire, c'est difficile, ma petite, hein, pour les faire. Bah, dites-moi, où est-ce que vous mettez dans la pâte? Dans la pâte, c'est toujours pareil. La pâte, c'est exactement comme. Toujours la même pâte. Toujours la même pâte. Pas comme les gnocchis, hein, c'est pas pareil. Pas comme. Les gnocchis, c'est pas pareil. Mais hein. Non. Les tujenes, il y a un peu de sel et un peu d'huile dans la pâte. Comme la pâte de la pâte de ravioli. Comme la pâte de ravioli, comme la pâte de la tourte. Seulement, il ne faut pas la pétrir trop dur. Hein. Il faut la farine. Il faut la farine la plus ordinaire. La plus ordinaire. Ah oui, sinon ça ne marche pas. Parce que après, elle est trop dure. Ah oui. Alors, si elle est dure, vous n'arrivez pas à les faire. On parle une à la fin, non, on sait comment on peut. Hein. Et la farine, vous ajoutez? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient exprès à Robiland acheter la farine parce qu'elle est, elle est meilleure. Vous mettez-vous pour la voiture. Ouais, oui. C'est toujours pareil. Hein. Le moulin, il est beau. Moi, j'ai été plusieurs fois. Non, oui. Mais là, même mon boulanger, vous prenez l'ordinaire. Hein. L'ordinaire c'est même chez René, là, elle est morte avec le sel de René, là. C'est la marguerite, je crois, qui est écrit dessus. Mmh. Elle est jaune. Eh bien, je le fais très bien. Alors là, je fais comme si c'était des gnocchis. Ouais. Mais je fais une pâte un peu plus souple. Puis je fais des bandes comme des gnocchis. Seulement avec le doigt, je fais comme ça. Mais ça reste des traits. Mais il faut mettre. Vous savez, il faut mettre bien de la farine dessus. Ouais. Alors vous posez votre chose et puis vous faites comme ça là. Alors il y a la farine, ça glisse et en même temps là-dessus, ça fait. Ça, j'ai l'impression que c'est. On n'apprend pas comme ça, hein. Ça, il faudrait le voir faire une fois. Un jour, je le ferai. Ah, oui, un jour que je le fais, je ne le marquais pas, puis un jour, je le ferai voir. Et ça, vous avez appris comment aller faire hein? Oh, ici, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Nous, on était petites, mes parents en faisaient. Ben, pas tout le monde qui en fait, les gens qui ne savent pas le faire. Hein. Moi, je sais que ma mère. Il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Il faut étudier les rois. Ah ben. Mais ils n'ont pas de traits. Hein. Ah ben, il faut qu'il y ait des traits. Ah oui, c'est joli. Il faut qu'il y en ait au moins 7 traits pour qu'ils soient beaux. 7 traits dessus. Eh oui. Ah oui. Pour qu'il soit normal, il faut qu'il y ait au moins 7 traits. Plus ça fait rien, mais au moins 7. Les jeunes savent le faire, ça ou... Au moins, ma fille sait le faire. Elle le fait bien, ma belle-fille, elle le fait très bien. Oui, elle le fait. Attendez, mais j'étais en train de calculer, qu'est-ce que je pourrais lui dire encore? Non, ben, je ne sais pas. Hein. Ah, des boursous, on peut les faire aussi. Je vous ai fait faire la tourte à la pomme de terre. Oui. Des boursous à la pomme de terre, je vous ai fait marquer. Non, vous m'avez pas dit. Vous êtes sûr? Oui. Regarde un peu. Je vais vous dire. Tourte de pomme de terre, comme la tourte de blette, vous m'avez dit. Avec la blette, vous m'avez dit. Pas avec la pomme de terre. Mais on peut faire avec la pomme de terre. Ah oui. Mais c'est que je vous le fais faire, vous savez. Non, vous m'avez dit seulement la tourte à la pomme de terre. La tourte de pomme de terre, à peine. Allez, boursouze, alors. Allez, boursouze, alors là, je ne mets pas de lait, hein. Parce que vous avez fait du lait, non? Ah, moi, je mets du lait. Moi, je fais une petite purée. J'achète même le petit paquet, vous voyez, le petit paquet de pommes de terre. Purée toute prête. Je mets un peu de lait et je lui donne ma chose dedans quand elle est pas trop épaisse non plus. Mais il faut pas qu'elle soit trop dure. Je fais ma purée d'abord. Puis ensuite, je mets ça de côté. Je coupe mes poireaux fin. Et puis, je les fais bien revenir à la poêle. Quand ils sont bien revenus, je prends 2 ou 3 tranches de jambon, je les ai. Ah, vous mettez du jambon mais oui, parce que je ne mets pas de fromage, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le fromage. Non, mais il faut mettre du fromage. Normalement, on met du fromage. On ne met pas de jambon. On met du fromage, on ne met pas de jambon, mais elles sont bien meilleures. Si vous appelez du jambon, ça va être différent. Ah oui. C'est puis vous les faites frites comme je vous ai fait voir là. D'accord. C'est exactement pareil. D'accord. C'est la même pâte, c'est la même. C'est le poivre et c'est pareil. Voilà. D'accord. C'est bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait lui dire maintenant encore? Ah, ben je sais pas, moi, qu'est-ce que tu peux lui dire? La crichante? Ah, ben voilà, mais ça c'est compliqué. Ça c'est un gâteau. Hein, ça c'est un gâteau, hein. ça c'est sucré. Hein. La pissaladière, tu lui as dit? Ah oui, non, la pissaladière, pas dit. Ah non, la pissaladière, j'ai pas dit. Oui, mais les proportions, moi je sais pas, moi je fais toujours beaucoup, alors qu'est-ce que je fais? Je coupe en deux. Tu coupes en deux? Alors, mettons... Moi, l'autre fois, j'ai mis un demi-kilo de farine, j'ai pris un petit paquet de levure pour mélanger de la levure de bière. Et puis, je ne lui ai pas tout à fait mis complètement, j'en ai laissé un petit bout. J'en ai laissé, je l'ai fait et... Ah, moi aussi, moi je sais. C'était bon, hein. Mettez 750 grammes de farine, non? Oui. Oui, un peu plus grave. Moi, j'en ai fait une comme 750 ça. 750 grammes de farine. La mienne, c'est comme ça. Oui, vous avez mis un morceau de beurre avec du lait aussi. Non, j'ai pas mis de lait, j'ai pas mis de beurre. Moi, j'ai mis un œuf dans ma pâte, j'ai mis un verre d'huile. J'ai pas mis de beurre, j'ai mis un verre d'huile. La pisse à la bière, on l'a fait avec l'huile. Oui, mais moi, j'ai mis un petit peu de lait pour faire fondre mon beurre. Et puis après, j'ai mis de l'huile. Et puis après, je l'ai pétri tout avec l'huile comme ça. Tout ce qui revient comme ça, qu'elle soit bien huileuse et bonne qualité. Albert, il s'en est mangé, hein. Bien sûr, hein. Alors, vous faites comment? Vous mettez de la farine, 750, vous faites fondue dans du lait, c'est ça? Un petit peu, oui. De l'huile? De l'huile. Il faut la levure aussi. Il faut de la levure, un petit paquet de levure. Moi, j'ai fait même avec la levure alsacienne. Un petit paquet de levure alsacienne, j'ai fait 500 grammes. Elle est montée comme ça, elle était très bonne. On peut mettre moins parce qu'un paquet de levure, elle est 500 grammes, on mettait 500 grammes. 500 grammes de farine et un petit paquet de levure alsacienne. Et moi, du beurre, j'en ai mis comme ça, du beurre. Ça fait quoi, ça fait... C'était une petite plaquette, ça fait... Ça fait 25 grammes, 20 grammes. Non, un peu plus quand même, parce que 50 grammes. La tablette de beurre, la petite tablette, est 125 grammes. Ça fait 62 grammes, mettons. Et j'ai mis un fond de lait pour que ça... Moi, je m'en ai mis de lait. Un fond de lait pour que ce que le beurre fonde, qu'il ne vienne pas rouge. Et puis après, alors, j'ai mis un peu de l'huile. Et puis après, j'ai mis de l'huile sur ma plaque. Et puis, je vais tout. Un peu du sel. Le sel, c'est pas bon. Et puis après, j'ai mis de l'huile. Et puis, je l'ai bien. Ramassé sur le. Comme ça. Ah oui, d'accord. Qu'elle soit très, très souple. Qu'elle soit très, très souple. Puis, vous mettez. Vous savez, vous avez déjà au moins plein d'huile. Je ne sais pas comment ça fait. Ça. Puis moi je fais tout comme ça avec les doigts. Tout avec les doigts. Pas avec le rouleau, vous savez quand vous prenez votre rouleau. Ah, c'est pas le rouleau? Ah non. Tout avec les mains. Quand vous prenez votre rouleau de pâte là, pour que vous la mettez sur votre plaque, vous mettez de l'huile au fond et puis vous crampez les mains et puis vous l'aplatissez bien comme ça avec les mains. Et vous mettez une sauce tomate dessus. Après, vous mettez votre bonne sauce ou de la tomate, ou alors si vous les mettez à l'oignon, il y en a qui font la sauce à l'oignon aussi, elle est très bonne. Papa. La sauce tomate, vous mettez pas l'oignon? Ah ben, on en met chez un petit, vous voyez, pour faire le... C'est pas pareil. On m'en a pris une. On m'en a pris une, tu l'as faire tout au poireau. Eh ben, il paraît que c'est délicieux. Une pisse à la dire au poireau. Une pisse à la dire au poireau pour hors d'œuvre. Ah oui. Il paraît que c'est délicieux. Mais c'est où qu'on fait ça? Ah, je sais pas, j'ai entendu dire ça au coiffeur. Ah oui. Ça doit pas être mauvais, effectivement. Du poireau frit. Ceux qui aiment bien... Du poireau frit, hein. Mais pas trop frit, parce que comme vous mettez. Qu'il soit à peine doré. Vous savez, vous devez mettre un couvert comme vous faites pour aujourd'hui, pour l'âtre, là. Il paraît que c'est délicieux. Ça sera bien bon, hein. Ah oui. Il y en a qui font bien la morue avec un lit de poireaux comme ça. Oui. Et alors, oui. Oui, on en a parlé de ça. Ben, c'est bon, hein. C'est pas mauvais non plus, hein. Oui. Alors. Où on en était là? Donc la pisse à la bière, la crescente. Alors la crescente, moi pour... Alors, je calcule tout ça. Oui, parce qu'elle en fait toujours des tas. Oui, mais j'en fais des tas. J'en fais une grosse. Elle en fait une grosse. Alors 1,60 kg de farine, ça fait 750 grammes. 750 grammes de farine. 750 grammes de farine. Un demi-litre de lait. Un demi-litre. Oui. Mais qui soit tiède, hein. 125 grammes de beurre. La farine, vous la mettez là comme ça. Et après, que vous mettiez, attendez bien, que je ne me trompe pas. La moitié d'un bol de sucre, combien ça fera? La moitié d'un bol de sucre. Moi, je me mets dans un bol. Je note comme ça. La moitié d'un bol de sucre. Vous voyez, la moitié d'un bol de sucre. Une fois que vous le pesez, si et puis après vous mettez soit des raisins secs, soit de l'anis. Soit de l'anis. Vous pouvez mettre les deux. Et puis après vous mettez. Là j'en mets. Attendez, plus combien je mettais? Pour 1,5 kg de choses, ça fait. Des petites plaquettes, ça fait. Moi j'y suis plus maintenant. Il faut pas de petites plaquettes. Pour la levure, attends, je suis en train de calculer pour la levure. Ça fait 3. 4 plaquettes, il me semble que je mettais. Bon. Pour combien pour 1 kg 500 1 kg 500. C'est quoi les plaquettes? Ce qu'on mange chez le boulanger, hein? Oui. Les petits cubes? Oui, les petits cubes. Ils sont pas tellement petits cubes, ils sont comme ça quand même. 4, je crois, j'en mettais. D'accord. 4. Cela, je... Alors 2, vous avez. Alors 2, mais moi je l'ai délié, je ne sais pas vous, avec un peu de l'eau tiède à bas. Mm-hmm. Vous savez, vous mettez dans un bol, vous la déliez un peu dans l'eau tiède, mm-hmm. parce que là, ça a tendance à. Et puis je mélangeais tout, et puis je finis, moi je finis aussi de par mettre un peu de l'huile aussi. Un peu de l'huile. Et puis. C'est l'huile d'arachide. Toujours l'huile d'arachide. Vous ne faites pas comme moi, vous ne l'étendez pas comme ça aussi. Eh oui, avec les mains. Mais d'abord, tu la laisses un peu, il faut la laisser un peu gonfler, non, avant de l'étaler. Oui. Quand la pâte est finie, moi je fais comme ça, je la mets sur une assiette ou je la laisse sur la pâte, sur la table là où je pète, oui. avec un torchon dessus, qu'elle gonfle un peu d'abord. Et mais moi quand je suis pressée à pointer, non, quand j'ai beaucoup de monde, ah bon? Je la mets directement, je mets l'huile, ma plaque, et derrière je mets tout ça comme ça, oui. tout en humain. Oui, mais alors tu je la fais avec la levure alsacienne. Ah non, la levure, c'est la chose. Parce qu'en principe, et puis alors je la couvre avec un torchon et je mets, j'ai une petite... une petite couverture que j'avais les enfants petits, qu'elle est très propre, vous savez. Je me garde l'esprit et je la couvre. Elle monte comme ça. Ah ben aussi, tu la mets déjà sur ta plaque et elle monte. Et quand je la sors du four, je me garde une casserole avec de l'eau, avec un chiffon propre, humide. Et je prends mon sucre en poudre, et mon sucre fin. Et je m'évite comme ça et puis je m'évite du sucre dessus. Ça vient de mouiller, vous savez. Il faut mouiller un peu. Juste à peine le dessus que le chiffon soit humide, alors vous passez dessus puis vous mettez le sucre. Et le sucre, il reste accroché. Il reste accroché. Ah, voilà. C'est un truc. Et oui, c'est un truc. Les boulangers font tous comme ça. Les boulangers font tous comme ça. Vous ne le disiez pas, mais ils font comme ça. Mais oui, sûrement. Ils font le pinceau, vous voyez, ils font la pâtisserie, ils ont un pinceau, ils passent vite le pinceau dessus comme ça, et puis allez, ils mettent son sucre. Mais moi, j'ai plus de pinceau. Et nous, même avec un bout de chiffon. Un bout de chiffon. Mais ça, vous en faites souvent? Mais quand je suis à la magliaque, oui, c'est bon pour le café, ça, mais nous, ça nous fait grossir maintenant. Avant, quand j'avais les enfants petits, je faisais souvent, au lieu de donner des pains au chocolat, ça nous revenait trop cher, je faisais une grosse plaque, ça vous pitait, enfin, j'ai pas envie de le dire. Et les petits, ils s'apportaient un gros morceau de crichard. C'était très bon, hein. Une fois je le faisais à l'anis, une fois je le faisais au raisin sec, et puis je faisais même dans la tarte aussi. Oui. Moi je fais une tarte spéciale. Ah, c'est quoi la tarte que vous faites? C'est votre tarte épaisse. Elle, elle la fait fine, hein. C'est votre tarte à vous ou c'est la tarte? Ben écoutez, moi pour le moment, je parle moi ou parlez-vous? Non, parle-toi, parle-toi. Donne-lui la tienne, comme ça j'écoute. Vous me direz la vôtre après. Ben moi je fais... je fais, du coup je ne me rappelle plus combien je mettrais de farine. Comme je fais tout au pif, c'est un peu dur pour savoir. Mais je mettrai de farine. Ah ben tu vois bien à peu près la tarte que tu fais, hein. Oui, mais on en fait toujours des grosses. Ben oui, mais tu n'en fais jamais à la maison. Hein. Non, je n'en ai plus fait là. Je n'en ai plus fait, déjà, vous pouvez le dire, je n'en ai plus fait ici. C'était où la gourmet ici, non? Donc, 500 grammes de farine. Farine. 500 grammes de farine, il faudra bien la moitié d'eau. Avec 500 grammes, j'en fais deux comme ça alors. Oui, 500 grammes de farine, attendez, 500 grammes de farine, mais moi je fais plus épaisse. Ça fait gâteau et ça fait tarte. 500 grammes de farine, la moitié d'une plaquette de beurre de 250 grammes. Donc ça fait 125 grammes, un petit peu de lait, du sucre. Je mets encore. Mais il faut des œufs, hein? Oui, des œufs. Je mets 4 œufs. Et du sucre fin, je mets au pif ma pomme. Ben, vous savez, en principe, on met 125 grammes. Oui, 125 grammes. Par tarte. Quand tu parce qu'il ne faut pas trop, parce que non. Alors, évidemment, risque... si c'est le double, il faut mettre 250. Non, mais là, combien elle a mis 500 grammes. 500 grammes de farine, ça fait quoi de sucre? 250 grammes. Oui, 250 grammes. Après, je mets du sucre vanillé, aussi un paquet de sucre vanillé, et un paquet de levure alza. Des fois, je mets un petit peu de plus de levure. Des fois, je mets un paquet, puis un petit peu, pour que ça monte. Alors, elle monte comme ça fait comme si c'était un gâteau de Savoie. Vous laissez monter là. Non. Moi je mets le fruit. Je mets même du fruit cru. C'était des fois souvent, il m'a monté du fruit, il m'a monté des pêches. Vous savez ce que je faisais? C'est lui qui le faisait. Bon. Il enlevait les noyaux et il me mettait dans une sauce saladière. Et puis moi je les arrangeais tout bien. Puis je mettais du sucre pas dessus, on enfournait. C'est bon. C'est bon. Oh, ah oui, c'est très bon. Oh, ou des abricots, ou des prunes. Des prunes, alors il faut mettre beaucoup parce qu'il m'avait porté des prunes. Mais une fois, elle était drôlement embêtée. Hein, parce que la prune est acide. C'est l'abricot. Ah oui, c'est aussi ça, la prune c'est acide. L'abricot. Il faut mettre beaucoup plus de sucre. Même avec la cerise, on avait fait cet été là-haut. Ah oui, c'est bon. Guy avait monté des grosses cerises, on avait fait. Mais on avait pas enlevé le noyau. Ah oui. On avait mis toutes comme c'est ça. Meilleur quand on avait tous les passages, c'était des grosses cerises. Mais c'est on meilleur avait... en plus quand on laisse le noyau. Oui. Mais il faut faire dans ce cas tournage. Ah, sûr. Ça donne un goût drôle, oui, hein. Eh bien oui, un ça, drôle ça, goût. Le goût du kirsch. Oui, voilà. Ça, oui. Voilà. Le noyau, c'est ça. Et vous mettez du sucre, alors la tarte, elle vous reste comme ça. Et alors je prends. Je prends un peu de farine, je me laisse un peu de pâte. Et puis là, je me mets un peu plus de farine. Et puis avec ma roulette, je coupe toutes des choses très fines. Ah oui, et puis je fais tout des croisillons. Croisillons dessous. Ça, je dis que c'est dessus comme ça. Ah oui. C'est bon comme tout. C'est la même pâte, mais vous... C'est la même pâte. Ah, ouais. Alors ça fait. Même, je vous dis même du pain. Dans la tarte comme ça, tu fais ici. Il m'a dit, moi, je ne fais pas pareil. Mais il a fait comme vous faites un mot. Ah ben. Et lui, il a été content comme je l'ai fait au moins. Bien sûr, elle est toute bonne. Hein? C'est tout elle bon. Est aussi bonne la sienne. C'est ça votre façon de faire? C'est comme on fait pareil habituellement ou c'est vous qui avez un. Non, c'est elle qui s'est. Elle peut inventer comme ça. C'est vos recettes à vous, ça. Ça, c'est sa recette à elle. Et bien, le frère de ma belle-fille n'avait jamais mangé de tarte. Il est marié maintenant à Montsartre, hein? Frère Daniel. Et bien, écoutez. Encore un peu, il me l'a dévoré. J'avais fait une grosse plaque l'année. Eh il lui a dit, surtout, n'y aide pas maman. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mangé de la tarte, ma mère. Il m'a dit, ma mère, elle ne la fait pas comme ça. Eh bien sûr, hein. C'est pas la sa vouloir, il a goûté, ça lui a plu. Il mange. Eh bien sûrement. Alors, dites-vous, moi, je ne parle plus maintenant. Hein. Dites-vous, moi, je parle plus. Alors, allez-y. Votre recette. Bon, ben, moi, c'est à peu près la même. Enfin, moi, je mets 500 g de farine aussi. Je mets 250 g de beurre. Non, 125 grammes, 250 grammes. Je mets la grosse tablette entière. Ah, vous faites briser. Ecco, moi je mets la grosse tablette entière. Ça, oui, quand c'est brisé, c'est moitié. Eh oui. Et puis alors, je mets 4 œufs aussi. Alors, le sucre, la farine, le sucre, les œufs. Le sucre aussi, hein. Eh oui. Et puis je mets. Un paquet de levure aussi, dans la sienne, et 250 grammes de sucre, il faut. Hein. Un paquet de levure. Un paquet de levure. Mettez pas du lait, un petit peu de lait, mais pas tellement. Moi, je mets pas tellement. C'est plutôt l'œuf et le beurre. Vous voyez, moi, je mets pas beaucoup d'autres liquides. Si je vois qu'à la fin, il me reste de la farine, que ça fait... Vous savez, des fois, les œufs sont un petit peu plus gros et ça prend un peu plus... Ou là, il faut en prendre et mettre un autre. Alors, si je vois que, si c'est, que c'est un peu trop juste, alors, tant je mets une cuillère ou deux de lait, voyez, un petit peu comme ça. Ouais. Mais en principe, moi, c'est rare. Moi, ça m'est de mettre un œuf de plus, c'est facile. Et des petits œufs, quand hein. Ils sont tout petits, mais enfin, moi, en principe, je prends des œufs normaux. Moi aussi, quand on fait ça. Voilà. Alors, vous pétrissez tout ça? Je pétris tout ça et puis je la mets sur ma plaque. Après, je l'étale sur ma plaque. Avec les mains aussi, je l'étale. Hein. Avec les mains, pas au rouleau. Ah oui, non, je ne la fais pas au rouleau, non. Au rouleau, je fais que le petit bout pour faire les croisillons dessus. Alors, je m'en garde un petit peu comme ça pour faire les croisillons à part. Et le reste, je l'étale bien comme ça. Et vous coupez avec la roulette pour que ça soit joli. Et puis, j'y mets ma confiture dessus. Ou alors, si vous aimez du fruit, n'importe, c'est pareil. Ou là, l'année dernière, on sait comment j'ai fait. Vous savez, j'avais fait comme ça, et puis j'avais gardé, au lieu de faire les croisillons, j'ai fait la pâte, hein, et je l'ai mise dessus. Ah, oui. Ils sont restés attrapés parce qu'il n'y avait pas de fruits, oui. Ils ont coupé et le alors, fruit qui est au-dedans. Il faut une confiture comme une gelée, vous voyez. Voilà. Voilà. Alors moi aussi, il n'y a pas d'huile avec la gelée. Il n'y a pas d'huile. Oh non, j'en mets pas de l'huile, là, non. Dans ça, je ne mets pas d'huile. Il n'y a que le beurre, les œufs, le sucre, ensuite, la levure. Dessus, confiture ou fruits. Voilà, confiture ou fruits, alors vous faites vos croisillons. Ou alors, comme je vous dis, on fait comme ça, alors on coupe la chose au milieu, la pâte. Puis vous étalez bien, alors là, avec les mains, et puis là, celle de dessus, après, il faut la faire avec le beurre. Cru aussi, c'est bon. Vous pouvez mettre la compote et puis la pomme crue dessus. Mmh. C'est très bon aussi. Ça sera bon aussi, mais enfin, moi, j'en ai jamais fait comme ça. Vous hein, mettez quoi, vous, en général? Moi, je mets du sucre ou alors je mets des petites prunes ou alors des pêches. Et les prunes, il faut mettre plus de choses, je trouve, la dernière. Ben, la prune, elles étaient acides. Oui, mais alors, quand on met les prunes, on ne la ferme pas et tu la laisses ouverte. Oui. Moi, quand on la ferme comme ça, c'est que j'y mets une gelée dedans, voyez. Alors, avec une gelée, puis alors après, vous la couvrez. C'est bon, c'est bien de la gelée. C'est appétissant. Oui, parce que vous faites deux... Ça vous fait au milieu, vous voyez. Oui, ça fait comme ça. Alors, vous en voyez qu'un peu qu'elle est plus plate, l'autre est un peu plus haute, vous voyez. Oui, sûrement. C'est drôle, hein. Oui, parce que le dessous, tu veux... En principe, le dessus, il faut que ce soit plus fin. Oui. Le dessous, ça reste pour la confiture. Plus épais, un bon doigt ou un doigt et demi. Après, le dessus, c'est fin. Un demi centimètre, ça reste. Non, hein? Non, ça va, là, parce que c'est encore des recettes avant. Mais toutes ces recettes, vous les avez apprises où? Comme ça, hein? Ben ça, moi, je l'ai prise sur les choses à pâtisserie. Moi, je l'ai prise. Sur un livre? Ah oui, moi, je l'ai prise sur un livre à pâtisserie. Et vous, les invades? Parce que vous m'avez dit... Je laisse les invades. Moi, je me les invades. C'est encore mieux. Bien sûr, oui. Mais moi, quand j'étais là-bas, j'en faisais une, puis ça faisait un gâteau, et puis comme ça. C'était un genre de crescente, mais ça faisait comme un gâteau de Savoie en même temps aussi. Mais vous ça restait plus épais, elle restait bien épaisse, quatre doigts comme ça. Et vous en rappelez plus qu'est-ce que c'est? Je me rappelle même plus comment je faisais. Mais vous êtes de Sochaux ou de Brive? Non, moi je suis de Fontaine. C'est mon mari qui était, qui était Briouat. Et puis nous sommes restés 30 ans à Sospel parce que... j'étais garde barrière et mon mari travaillait sur la voie. Alors on est resté 30 ans. Vous êtes resté là-bas. Vous avez dû apprendre alors des choses de Sospel, des recettes de Sospel ou... Bon, ça, en principe, je n'en ai pas tellement appris des recettes parce que je n'allais pas tellement en dehors. Voyez-moi, un passage à niveau, c'était spécial. Et fallait tout le temps être à la maison, être gardé. Et à Fontaine, c'est les mêmes recettes qu'à Breil ou c'est différent? Bon, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Là-bas, Sospel, ils font une tourte avec une pâte brisée que je n'ai jamais pu apprendre. Une tourte de blé, ils font comme ça. Avec la pâte brisée? Elle est délicieuse. Ah oui. Mais alors, le dessus, il ne couvre pas. Ah, c'est ça, vous m'avez dit, oui. Ça fait une pâte. Une pâte feuilletée, ça fait. Puis alors, il y a donc la farce qu'ils mettent de blettes. Et puis, alors, dessus, ça fait encore. J'arrive avec les recettes, ma fille, j'arrive. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai les recettes. Les recettes que je ne sais pas faire, si je n'ai pas le machin. Je ne sais vraiment pas comment il a fait. Ça, c'est des recettes de quoi, ça? Ben, ça, c'est une recette. Ça, si je n'ai pas ça, je ne sais pas le faire. Hein. C'est ma fille, c'est ma nièce, celle de la poterie. Hein. Et puis, alors, je le fais comme ça. Hein, comme ça. Regardez, je le fais là-dedans. Là, elle vous fait voir l'ustensile. C'est le gâteau qu'il aime.